dans la vie croisière d'assemblage requis. Simon Fitzbien avec les nouvelles geeks de la semaine dans le scoot des internets et on reçoit l'artiste Jimmy Rouleau en entrevue et performance live à Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'Assemblage requis en direct du SS Requis, le célèbre bateau de ses fous, en ce jeudi 25 août 2011 en direct. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret, malheureusement, est en congé cette semaine, donc je suis seul encore une fois à l'animation. Par contre, on va avoir des invités qui vont être parachutés comme ça pendant toute l'émission. Simon Fitzbay va être avec nous tantôt pour sa chronique Le Scout des Internets et un survol presque complet, j'oserais dire complet. S'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, ça n'est pas arrivé. Ça s'appelle le scoot des internets dans une heure et demie environ. On va aussi avoir Stéphanie Gagné en fin d'émission avec sa chronique « Ton plat favori », coup de cœur de la semaine, évidemment. Moi, je vais avoir la chronique « C'est un fait » avec des choses inutiles à savoir. Je vais avoir aussi « Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a ». On va régler vos problèmes que vous n'avez pas du tout en direct, comme ça, à la radio. Quoi d'autre aussi, un poste d'écoute. On va écouter le nouvel album de Renard Frac. On adore ce qu'il a fait. On avait entendu quelques avant-goûts de quelques pièces sur le CD. Maintenant, on a reçu le CD au complet. On va entendre les pièces qui ouvrent l'album, un peu comme dans un vrai poste d'écoute. Et on va recevoir, comme je disais en introduction, notre ami Jimmy Rouleau en entrevue et en performance live. Un artiste folk que vous allez aimer, j'en suis persuadé. Voilà. Comme on dit depuis quelques semaines, le directeur de la programmation et directeur musical est en vacances depuis le début du mois. Donc, on a le même palmarès pendant pas mal de jours, finalement, du 1er au 28 août 2011. La semaine passée, on a fait un petit palmarès, Marie-Pierre et moi, de nos pièces préférées de l'été. Question de ne pas vous faire jouer quatre fois le même palmarès de suite. Cette semaine, pour varier un peu, on va prendre le palmarès qu'on a depuis le début du mois, mais on va le jouer dans le désordre. C'est ce qu'on appelle les palmarès remix. Hein? C'est original, c'est super original. On va commencer par les positions numéro 7. Du côté anglophone, il y aura Man avec Knuckle Down, mais on commence avec le numéro 7 francophone. Voici Gatineau et Dirk Diggler au 89.1 FM. C'est la vie de croisière d'Assemblage requis. J'avais le désir de faire plaisir, je l'ai vu grandir, vu ça partir, puis retrécir, ensuite je les ai m'associer rapidement, c'est arrivé. J'ai explosé sans m'excuser, sans même être un peu exposé, pendant qu'on est en train de causer, j'ai plus grand chose à te proposer. Faster, faster, bounce, bounce. numéro 7. Avec Knuckle Down en position numéro 7, anglophone, et avant c'était du côté francophone Gatineau avec Dirk Diggler. Comme on disait, c'est le palmarès remix, donc on joue les pièces un petit peu dans n'importe quel ordre, et contrairement au restant de l'été où on basculait de franco à anglo de semaine en semaine, là on fait les deux en même temps. C'est vraiment magique. La semaine prochaine, évidemment, c'est la dernière semaine de la saison pour la vie de croisière d'assemblage requis. On va revenir avec l'émission Les Palmarès c'est fou en tant que tel la semaine suivante. Donc la semaine prochaine, on aura un nouveau palmarès quand même à vous présenter dans l'émission. On continue tout de suite avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les numéros. J'étais rendu au 15, oui, du côté anglophone. Tantôt, il y aura The Megaphonic Thrift avec Talks Like a Weed King. Mais on débute avec Peter et Tergiverse. Et restez avec nous parce que juste après ces positions-là, on va déjà être rendu à la première chronique de l'émission. C'est un fait. On parle entre autres des Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Peter devrait refaire ça. Puis, tu sais, avec la petite guitare. Teenage Mutant Ninja Turtles. De feu font la guerre à mon estomac et des amis. Je n'en ai pas, je me redresse tout plein de maladresse. Avec douance, je sombre en défaillance. Je vais seul, je ne m'en plains pas et des amis. Je n'en veux pas, je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas, et mes pas, en effet, vont trop bas, et mes hauts ne vont jamais assez haut.

Dogs Like a Weed King de The Megaphonic Thrift en 15e position anglophone. Avant, c'était en 15e franco Peter Peter et Tergiverse. On remarquait sur la pièce Tergiverse les voix. Oui, les voix. Il n'y avait pas Cœur de Pirate. Évidemment, je pense que tout le monde l'a reconnu, Cœur de Pirate. Il y avait aussi Baja Boulotte qui sort un nouvel album et qu'on va, j'imagine, écouter dans les prochaines semaines parce que c'était très bon le précédent. Donc, j'ai hâte d'entendre celui-là. Baja Boulotte. Et puis donc, Cœur de Pirate. Voilà pour ce bloc de palmarès. On continuera tantôt. Pour l'instant, voici la chronique. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis. Et encore une fois, cette semaine, je suis seul, donc vous allez être mon public et réagir en direct, j'espère, devant votre radio. Commençons par un fait très divertissant, la gamophobie. Hein, la gamophobie, c'est quoi ça? C'est la peur des mariages. Je sais pas si ça veut dire de te marier toi-même ou de voir d'autres gens se marier, mais t'as peur des mariages. C'est une drôle de phobie, je trouve. Avant que Pixar choisisse Toy Story ou Histoire de jouets comme titre, il y a eu d'autres suggestions, entre autres Made in Taiwan, fabriqué à Taiwan, Moving Bodies, des amis qui bougent, là, et Toys in the Hood, une parodie de Boys in the Hood. Là, c'est super beau, mais une chose qu'ils ont choisi, Toy Story. On dit qu'en théorie, vous savez, il y a eu un tremblement de terre récemment, là, tout le monde l'a senti, c'est comme la grosse folie furieuse aux nouvelles. Là. Donc, en théorie, on dit qu'un tremblement de terre peut mesurer 11 ou même plus que ça parce que l'échelle de Richter qu'on utilise n'a pas de limite. Je savais pas ça. T'sais, on se dit, on pense t'sais, que, bon, mettons 10 pour être le plus élevé. Non. C'est pas un bouton de volume sur un stéréo, ça, non. Ça va jusqu'à l'infini, si on veut. Voilà. Dans la version arabe des Simpsons, le nom d'Homer est Omar Shamshoun. Shamshoun. Omar Shamshoun. Et à la place de boire de la bière d'œuf, il boit du jus d'œuf. D'œuf juice. Eh bien, quelque chose. On parle souvent de porter un toast. Tu fais un toast à quelqu'un lors d'une soirée, peut-être d'un mariage, pour ceux qui ne sont pas gamophobes. En tout cas. Donc, les Romains mettaient des rôtis, des toasts, dans le fond, dans leur vin, pour que leur vin goûte meilleur, que ce soit plus bon. Leur vin. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de faire un toast. Voilà. Les araignées sont très, très, très carnivores. Si on mettait, mettons, une situation hypothétique, là, je ne souhaite pas à personne de le faire, mais mettez 10 000 araignées dans une pièce et éventuellement, vous allez finir avec une seule grosse araignée parce qu'elle va avoir mangé toutes les autres. C'est vraiment super pour ceux qui mangent en ce moment. Bravo. Désolé. Les premiers passagers dans une montgolfière étaient un mouton, un canard et un coq qui ont fait leur premier vol réussi en 1783. Un mouton, un canard et un coq. Eh ben. L'héroïne et l'aspirine ont été inventées par le même homme, Felix Hoffmann, la même année, en 1897. L'héroïne et l'aspirine. D'ailleurs, l'héroïne, à la base, était, on dit en anglais, marketée, là, était vendue comme du médicament pour la toux. L'héroïne, eh ben. On se rappelle de Ben & Jerry. La semaine passée, on avait fait un fait là-dessus sur Ben & Jerry qui s'était payé à deux un cours à 5 $, un cours à distance pour apprendre à faire de la crème glacée. Il s'était séparé le coût du cours. Mais Ben & Jerry ont dit qu'à l'origine, ils devaient vendre des bagels. C'était ça leur grande idée au départ, des bagels. On parlait tantôt d'araignées carnivores qui se mangeaient les unes les autres. Les chats sont aussi carnivores. On dit par contre, il y a un mot pour ça, hyper carnivore. Ça veut dire que s'ils ne mangent pas de viande, ils vont mourir. Donc, t'as pas le choix de donner de la viande à ton chat. Tu peux pas dire, ben, moi, je suis végétarien et donc mon chat le sera aussi. Non, ça peut pas marcher. Ton chat va mourir. Mourir. Faites-le pas, donc. Une maladie très, très rare, extrêmement rare. Non seulement qu'elle est très rare, mais il y a seulement deux personnes qui l'ont et ce sont les deux personnes qui ont donné leur nom à la maladie. Étrange, vous me direz. Donc, la maladie la plus rare du monde a seulement deux victimes de diagnostiquer, c'est la Fields Disease, la maladie de Fields. Et c'est nommé, dans le fond, le nom a été pris de Catherine et Kirsty Fields, une paire de jumelles, d'accord, des filles jumelles, là. Donc, leur condition est une maladie neuromusculaire qui force aux jumelles d'utiliser des chaises roulantes et elles sont incapables d'écrire. Elles ont la maladie depuis l'âge de 4 ans et leur condition a dégénéré avec le temps. Et vu que cette maladie-là n'est jamais arrivée à quelqu'un d'autre, les docteurs ne savent pas à quoi s'attendre, où va s'en aller cette maladie-là. Donc, ils ne savent pas comment régler le problème. Donc, possiblement qu'elles vont mourir de cette maladie-là peut-être bientôt, dans les prochaines années. Et peut-être qu'elles vont, dans le fond, mourir pour la science. Hein? Peut-être qu'on va pouvoir apprendre de cette maladie-là une fois qu'elles vont être mortes. Mortes. Triste. Vraiment triste. Il y a une prison au Nebraska qui utilise des chats pour relaxer les prisonniers. Tu sais, on parlait tantôt de chats hyper carnivores. J'espère qu'ils ne mangeront pas les prisonniers. En même temps, serait-tu si mal que ça? Non, c'est des blagues. Donc, une prison au Nebraska qui utilise des chats pour relaxer les prisonniers. C'est la Lincoln County Jail qui a deux chats qui vivent avec les prisonniers et qui leur tiennent compagnie. Normalement, on pourrait penser que des criminels endurcis ne seraient pas de très, très bons... propriétaires d'animaux de compagnie. Mais les criminels sont en fait en leur tâche est de s'occuper des chats, de nettoyer leur litière, de leur donner à manger, ce genre de choses-là. De la viande, évidemment. Les criminels faisaient du bénévolat à un endroit où un refuge pour animaux, voilà, récemment, dans les dernières années. Et donc, cette place-là leur a offert d'adopter des chats dans la prison à temps plein. Très sympathique. Un homme a poursuivi Pepsi parce que Pepsi ne lui a pas donné le jet qu'ils avaient promis dans une de leurs publicités. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne publicitaire, manquait de syllabes dedans. Dans les années 90, donc Pepsi avait une campagne promotionnelle qui s'appelait Pepsi Stuff. Tu sais, les gens pouvaient ramasser des points Pepsi à l'intérieur des bouchons et des caisses de Pepsi et ensuite échanger ces points-là pour des prix comme un T-shirt Pepsi, un porte-clés, des gugus comme ça. Donc, la publicité... À l'intérieur de ça, on montrait quelqu'un s'acheter un manteau de cuir et un jet à la fin. Hein? Et bien évidemment, ça n'a pas pris trop de temps pour qu'un homme... en 1996, un étudiant en affaires... Évidemment, il fallait bien un étudiant en affaires, en administration pour ça. Et donc, il a ramassé 7 millions de points Pepsi, comme on disait dans la publicité. Il fallait 7 millions de points. Pepsi, évidemment, pensait que personne allait boire autant de Pepsi que ça. Donc, c'est ça, il a demandé d'avoir un jet Harrier, la compagnie Harrier Jet. Donc, Pepsi a refusé et l'étudiant les a poursuivis pour fausse publicité, ou en tout cas, ils disent « breach of contract ». Pourtant, je ne sais pas s'il y avait un contrat directement avec le gars. Je ne penserais pas. Ça a été rejeté en cour fédérale. Une chance! Les Américains, avec leur poursuite frivole qui font perdre du temps à tout le monde, mais qui en même temps créent de l'emploi. On peut voir ça comme ça. Saviez-vous que le drapeau de l'État de l'Oregon aux États-Unis est le seul drapeau d'État à avoir deux côtés? Deux côtés avec deux designs différents. Là. Pas le même design imprimé à l'envers, là, ou ben, à l'endroit, mais que tu vois... Bon, en tout cas, tu comprends. On voit ce que je veux dire, public à la maison. Bon. Donc, deux designs différents. Un castor d'un côté, qui est dans le fond l'arrière du drapeau. Et le devant, c'est écrit État de l'Oregon, en genre de petite vague à la word art. Là, vraiment, pas très joli. Un insigne et l'année 1859, qui est la fondation de l'État. Donc, État de l'Oregon, en arrière, un castor. Ah oui, non. Ah oui, non, garde-toi. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi faire un drapeau standard, comme tout le monde, avec la même affaire des deux bords? Hein? L'Oregon est original. C'est des rebelles, on pourrait dire. Parlons un petit peu des Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Qui étaient très, très violentes et gore dans les bandes dessinées. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une bande dessinée avant le dessin animé. Me voilà en train de prouver mon incultivité, incultisme. Je suis pas cultivé, tu sais, genre. Bref, avant que le dessin animé et les films les rendent très populaires, les Teenage Mutant Ninja Turtles étaient une série de bandes... Je suis pas capable de le dire sans chanter. Étaient une série de bandes dessinées produites par Mirage Studios en 1984. Contrairement à la plupart des autres incarnations, oui, cette série de bandes dessinées n'était pas pour les enfants du tout. En fait, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de sang. Les tortues utilisaient leurs armes pour vrai, donc ils poignardaient des gens dans les bandes dessinées. Uh-huh. Et ils ont même tué leur ennemi de toujours, Shredder, dans les premiers numéros. Je sais pas quel numéro, mais dans les premiers. Ils ont aussi, ils buvaient de l'alcool dans les bandes dessinées. Ils juraient, donc des mots méchants qu'on peut pas dire à la radio. Non seulement ça, mais à l'origine, toutes les tortues portaient la même couleur de bandana. C'est peut-être pour ça que dans les dessins animés, on leur a donné des bandanas différents pour pouvoir les différencier, parce que des tortues... On est tu sais, sinon, comment tu veux faire, tu sais? Ces bandes dessinées-là, on dit qu'ils sont difficiles à trouver, mais vous pouvez cliquer sur l'article sur assemblagerequis.com pour voir quelques extraits de ces bandes dessinées-là dans un petit vidéo. Et pour terminer, il y a un pays au complet qui a du Wi-Fi. Du Wi-Fi partout, là. Tu sais, ici à l'université, mettons le Wi-Fi, tu connectes peut-être une fois sur cinq, c'était ben chanceux. Mais eux, dans le pays qui s'appelle Niue, N-I-U-E, je veux dire Niue, parce que je trouve ça cute, ils ont du Wi-Fi partout. Donc, en 2003, Niue est devenue la première Wi-Fi Nation où l'accès à Internet sans fil est fourni au pays au complet par The Internet Users Society Niue. Donc, les gens de Niue peuvent aller en ligne sans même avoir à s'inscrire pour avec un distributeur Internet, évidemment. Ce qui est particulièrement avantageux, on nous dit, par rapport à utiliser du... je me rappelle pas c'est quoi cette sorte de métal-là, mais du copper, là. Pas du cuivre, en tout cas, du copper là-bas. Tout le monde appelle ça du copper, pareil. En dessous de la terre, à cause des conditions météorologiques, si on avait du copper dans la terre, avec l'eau qui est très, très salée, de la pluie et l'humidité, tout ça mélangé ensemble, ça aurait créé des problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple pour eux d'avoir du Wi-Fi pour tout le monde. Ça ne me surprend qu'ils n'aient pas trouvé une façon de charger super cher pour ça. Mais bon, peut-être un pays super généreux. Allons tous habiter là. Le Niue, N-I-U-E, depuis 2003, a du Wi-Fi partout. Et ça permet même aux touristes qui sont en yacht autour de la place d'aller sur leur ordinateur et faire des affaires. Peut-être avoir un GPS sur leur iPhone avec Internet dessus. Je sais pas. Plein de potentiel et de possibilités quand tu as Internet partout. C'est fantastique. Voilà pour la chronique. C'est un fait. Il y aura une autre chronique plus tard dans l'émission, si tout va bien. On va parler, entre autres, de cornflakes. Encore une fois, un autre fait sur les cornflakes. Et de Häagen-Dazs. Quelque chose de très surprenant par rapport à la marque Häagen-Dazs. Essayez de deviner d'ici à tantôt d'où vient le mot Häagen-Dazs. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Petit indice de même. Mais voilà, donc nous, on va continuer notre palmarès, évidemment, palmarès qu'on adore à chaque semaine. Et comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, et je vais le rappeler comme ça au cours de l'émission pour ceux qui comprennent pas trop le principe de ce qu'on fait aujourd'hui, vu que les chiffres sont pas dans l'ordre, à la place de jouer, comme on a fait tout l'été, francophone une semaine au complet, top 20, et anglophone l'autre semaine, on a un seul palmarès pendant le mois d'août, parce que le directeur musical est en congé. Donc aujourd'hui, on brasse les pièces pour pas vous faire entendre les mêmes pièces dans le même ordre toutes les semaines. C'est sympathique de notre part, hein? Donc on était rendu, on va aller entendre Philippe B du côté francophone avec l'été, c'est la 10e position, oui, et en anglophone, juste après, il y aura Ringo That Star avec Imagine Hearts, mais pour l'instant, Philippe B au 89.fm. J'ai passé l'été, le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray et déjà dans le ciel une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. J'ai passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses, et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. À l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers, une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. number one. Totally confused by you. Vous écoutez La Vie de Croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. Numéro 10. Imagine Hearts de Ringo Dead Star en position numéro 10 anglophone, précédé de Philippe B avec l'été, le numéro 1 de dans le mois de juillet. Là, ça fait tellement longtemps qu'on a eu un palmarès qu'il est difficile de faire des phrases avec ça. Hein? On continuera tantôt avec d'autres musiques du palmarès, mais pour l'instant, une petite pause de palmarès. Ça fait quand même 6 pièces qu'on entend. On a une petite dose pour l'instant. On va écouter un petit peu de Sufjan Stevens, excellent album The Age of Odds. Et on va aller entendre I Want to Be Well, tout de suite au 89 FM. Et Sufjan Stevens, qui est vétéran des palmarès, bien sûr. Faut le préciser. Il y en a beaucoup, les vétérans des palmarès. Là. Ben oui, le gars, il parle par-dessus la pièce. T'sais. Non, tu fais pas ça à la radio. Tu fais pas ça pantoute. Hey, hey, stop! I'll find peace upon the end of this.

Les Beastie Boys avec la pièce The Rat Cage sur leur album de Mix Up. J'adore cet album-là des Beastie Boys, de complètement instrumental, c'est fantastique. Maintenant, dans la vie de croisière d'assemblage requis, c'est le moment d'un beau petit poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est évidemment le bloc où on écoute un nouvel album reçu récemment à la station. Et là, notre collègue et mon co-animateur à l'automne et à l'hiver, évidemment, pour l'émission Assemblage Requis, tous les matins de 7h à 9h, à partir du 6 septembre, il m'a ramené l'album d'Eliott Broad. On a un nouvel album d'Eliott Broad. François-Olivier capote sur cet artiste-là et surtout sur une de ses pièces. Là. Je me rappelle même pas du nom. Write it all down for you. Bref. Donc, un nouvel album de Eliott Broad, Days into Years. On va commencer, évidemment, comme dans un poste d'écoute. On va l'écouter dans l'ordre. Commençons par la pièce Lindsay tout de suite au 89.1 FM. Eliott Broad. Can I sleep for a while? Baiting, will I shake the walls? They'll tear her down. We grew up right here. Door frames marked with ice and years. Our lives in crooked frames. The kitchen table coffee stains. Go to sleep with a smile. Curl up winter's fireside. Flashlights on frozen pipes. And winter night's still frozen time. So far. Elliot Broad et la pièce Northern Air, précédée de Lines et de Lindsay. On a d'ailleurs un petit peu triché. Normalement, dans le poste d'écoute, on écouterait les pièces dans l'ordre du CD. On a fait ça pour les deux premières, mais on s'est dit, tu sais, comme dans un vrai poste d'écoute, quand tu connais le nom de la pièce parce que c'est leur premier extrait, des fois, tu peux faire un petit changement comme ça à la dernière seconde. Bon, c'est la règle que je me suis établie, hein? Donc, Elliot Broad, nouvel album qui s'appelle Days Into Years. Vraiment très, très, très bon. On a plein de choses à dire, d'ailleurs, là-dessus, sur elliotbroad.com. D'ailleurs, faudrait que je vous appelle Elliot Broad, mais allez-y avec des doubles lettres partout. 2L, 2T, 2R, non, pas 2A, 2O. Et vous devriez être correct. Elliot Broad, appelez-le Broad, B-R-O-O-D, t'sais. Donc, Days Into Years sort sur Paper Bag Records le 27 septembre. Donc, on l'a vraiment un mois et deux jours à l'avance. C'est énorme. Northern Air, comme on a entendu, leur premier extrait de leur album Days Into Years, disponible en téléchargement gratuit sur leur site web. Ils vont sortir un vinyle de 7 pouces pour l'album Days Into Years un petit peu plus tard ce mois-ci. En fait, je pense qu'il est déjà sorti, mais bon. Ils disent que le groupe a été nominé pour un Genie Award. Oui, un Genie Award pour meilleure chanson originale. La pièce West End Sky du film Grown Up Movie Star. Vous allez retrouver Elliot Broad sur myspace.com/ElliotBroad. Écoutez des pièces là-dessus. Ils sont sur Wikipédia. Bien évidemment, vous apprendrez que c'est un groupe de 3 personnes. Alt Country de Toronto en Ontario avec Mark Sasso, Casey Laforêt et Stephen Pitkin. Le groupe se dit lui-même un groupe de Death Country. Spécial quand même. Et puis, c'est ça, j'avais ouvert la page des Genie Awards pour essayer de trouver le gagnant. Je le trouve pas, mais les autres nominés étaient Sherry Pine, Paul J. Spence, Mary Milne et Buck 65. Voilà pour le poste d'écoute. C'est Elliot Broad avec Days Into Years. C'est certain que ça va rejouer ça et ça va sûrement embarquer dans le palmarès. Moi, je miserais sur la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Hein? Bon, c'est dit, c'est le verdict. On doit donner un verdict dans le poste d'écoute, c'est comme ça que ça marche. Bon. C'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage requis. On se retrouve dans quelques minutes à peine avec une deuxième heure. Et dans cette deuxième heure, il y aura entre autres Simon Fidibé avec sa chronique technologique, le scout des internets. Restez avec nous, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Sur notre merveilleux bateau, le SS Requis, qui vogue à ses occupations pour encore une dernière semaine. Il nous reste, après cette semaine, la semaine prochaine. Et là, c'est terminé pour notre voyage autour du monde. Ce sera la fin. Là, c'est dommage. Donc, deuxième heure qui débute avec notre palmarès de C'est fou. Et je le répète encore une fois, depuis le début du mois d'août, on navigue dans les mêmes pièces parce que le palmarès dure du 1er au 28 août, étant donné que le directeur musical est en vacances. Donc, cette semaine, pour varier un petit peu et ne pas jouer les pièces dans le même ordre tout le temps, on décide de mixer les pièces. On mélange tout ça, on y va d'un numéro à l'autre sans trop regarder où on s'en va. En tout cas, je les coche pour être sûr de ne pas jouer deux fois la même pièce. T'sais. Genre. On va entendre un bloc composé des 20e places. On a entendu les 15, les 10, les 7. Donc, 20e place du côté anglophone, Mother Mother avec Problems. Mais on débute avec Galaxy. Voici Requin Tigre. Yeah. ton échec et ma, c'est un coup d'état. Y'a des tyrans à toutes les crises d'époque, on a perdu d'avance. On est content, wow, dans son bureau. Le boss fait ses valises, il s'enfuit au Belize pour éviter la prison, la justice. Let's have it all day, you take me number. Atomic Baobab et la très, très, très, très, très bonne pièce. Je pense que j'ambitionne pas du tout en disant ça. Très, très bonne pièce. En quatrième position, Foxtrot Uniform. Avant, c'était Erewhon avec Le Roi qui monte de la 15e place de la 19e à la 4e. Maintenant, on continue à l'instant en musique, hein, parce qu'à un moment donné, on a beaucoup de musique à jouer aujourd'hui. On va jouer le top 40 au complet, même si on joue dans des heures. D'habitude, on jouerait seulement le top 20 franco ou le top 20 anglo de semaine en semaine. Là, je me dis, on se gâte, étant donné qu'on va avoir un nouveau palmarès la semaine prochaine à vous présenter. Hein, voilà. Donc, on va aller avec les positions numéro 13. En anglophone, on va entendre Wolf and Cub avec Hearts, mais on débute avec Monogrenade. Voici La Marge. Sur C'est fou 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Numéro 13. We'll be right back. tried to run before you could stand. I'm the mask concealing the real. Don't pretend what you don't feel. Cobb en 13e position anglophone avec Hearts, précédé de Monogrenade avec La Marge sur l'album Tantal. On va continuer à l'instant avec un autre bloc, toujours en palmarès remix, où on fait pas mal n'importe quoi dans n'importe quel ordre, un petit peu, tu sais, je suis seul, je mets 40 pièces dans l'émission, j'ai-tu le droit? Fait qu'arrêtez de me juger. Bon. 18e position anglophone, City and Color avec Little Helm, on commence avec Bravo Funken et Boîte à savon, et plus tard dans l'émission, Simon Fitzbé. Ah, j'aurais aimé ça finir avec des on encore. Plus tard dans l'émission, Simon! Avec des gens qui remettent leur démission. Yes! Démission, Simon, je l'ai eu. Oh yeah! Ah, applaudissements, merci beaucoup, merci beaucoup. Enfant d'un hiver dans le garage, il y aura des fleurs dans chaque virage. Dévions la mort sur la banquette de ma voix. pour faire une voix dans le corps où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les lumières. There is midnight escape. We'll disconnect ourselves from all of yesterday. I'll dig for water and fashion our very own wishing well. Then we'll throw our coins down, hoping to rid us of this little land. City and Color avec Little Hell à la vie de croisière d'Assemblage requis. Et ça, City and Color, c'est en position numéro 18 du côté franco. Avant ça, on a entendu Bravo Funken et Boîte à savon. Évidemment, tout ça en remix dans un ordre tout à fait approximatif. Même pas approximatif. Approximatif, ça veut dire qu'on suivrait peut-être un petit peu la lignée. Là, on la suit pas pendant tout. Bon. Ce qui suit une certaine lignée, là, on parle d'une lignée de choses qui ont comme rattachement. On pourrait dire attachement ou comme lien, si on veut faire des jeux de mots sur l'informatique, des hyperliens, mais non. C'est le scout des internets. Scout des internets. J'essaye beaucoup trop, hein. Les hyperliens. Les hyperliens. Ah, ça pourrait être bien qu'une explosion derrière les hyperliens. Bravo. Donc, Simon Fidibé, de retour, comme à chaque semaine, pour nous parler de choses geek, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a peut-être une nouvelle que les gens peut-être... Ouais, comme peut-être les gens n'ont entendu parler, une nouvelle qui est sortie hier, qui a comme renversé tout le monde, et les marchés financiers même, qui écopent et tout. Ouais, c'est la démission d'un certain Steve Emploi. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais. En fait, Steve Jobs qui a décidé de prendre sa retraite. En fait, il a démissionné de son poste de chef exécutif des opérations. Chief Executive Officer. Ouais, exactement. Officier exécutif en chef. Ouais, est-ce qu'on dit PDG en français? Est-ce que c'est ouais, ça? Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est difficile à traduire. Mais c'est qu'il y a différentes positions au sein d'une compagnie. COO, CEO, CFO. Donc, mais c'est genre comme président de... Attends, lui, c'était le président de tout. Puis après ça, le président financier, président de ci, ça. Comme les vice-présidents aussi. D'accord. Mais c'est différent, je pense, qu'au Québec. Mais bref. Donc lui, il était CEO, Chief Executive Officer. C'était le big Puma, big guy. C'était le big boss, en fait. Voilà. Et il a écrit une lettre pas mal plus courte que celle de Jack Layton. Et même en blague, on peut dire que celle de Jack Layton était pas mal meilleure que celle de Steve Jobs. Ouais, étrangement, il y a personne qui cite Steve Jobs sur Facebook un matin. Layton, là, tout le monde le citait. Non, mais c'était une belle lettre. J'ai pleuré pendant que je disais ça, mais bon, parce que je suis... Bref. Donc, tout simplement, juste souligner quelque chose dans la lettre de Steve Jobs qui m'a fait sourciller cette semaine. Pas cette semaine, mais hier. Il dit... J'ai toujours dit que si jamais je venais à ne plus être en mesure d'assumer mes fonctions et obligations en tant que chef de direction d'Apple, je serais le premier à en faire savoir. Malheureusement, ce jour est arrivé. Et donc, par la présente, je démissionne de mon poste de chef de la direction d'Apple. Steve Jobs est atteint d'un cancer du pancréas. Il y a eu une récidive, en fait, puisqu'il avait été atteint du cancer, je pense, en 2007 ou 2008, quelque chose genre, ou 2009, en tout cas récemment, dans les dernières années. Il était revenu au travail. Il avait réussi à vaincre son cancer une première fois. Et là, il est revenu. Il a pris congé au début de l'année. Donc, à la fin de l'année passée. fin de l'année passée. Donc récemment. Récemment, oui, voilà. Pour être remplacé par Tim Cook, oui. Qui est donc le nouveau, d'ailleurs, qui a été nommé chef de direction d'Apple oui. aussitôt que Steve c'est Jobs ça. A donné sa démission. Il avait recommandé Steve Jobs dans sa lettre « J'aimerais que Tim Cook puisse continuer mon poste ». Exactement. Et donc, Steve Jobs est revenu pour faire la présentation des derniers du dernier iOS et macOS Lyon aussi, donc au printemps. Oui, récemment, voilà. Et donc, voilà, il était pas nécessairement en bonne forme. Ça, il me faisait penser justement un peu à Jack Layton. Oui, il était rendu maigre. Il était rendu très, très maigre, avec une voix très, très enrouée. Bon, il avait l'habitude de prendre beaucoup de gorgées d'eau lorsqu'il faisait les présentations. Là, c'était un peu pire. Et donc, ce qui peut faire penser, en fait, que son cancer est peut-être plus grave qu'on le pensait. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut plus assumer donc, son poste de direction. Par contre, plus le choix. Oui, exactement. Mais il reste, comment on dit, chairman of the board ou président du CA, président des actionnaires voilà, d'Apple. Un peu pour... moi, en fait, je pense que c'est pour sécuriser les actionnaires puisque l'action d'Apple a baissé de 5% hier lorsqu'il a annoncé son départ. Donc, c'est très triste. D'après moi, donc c'est peut-être une question de mois avant que peut-être... Ouais. Voilà. On souhaite pas ça, vraiment non, pas. On souhaite quand même de continuer son combat et de gagner, mais et une belle retraite, parce qu'on s'entend que tout le travail qu'il a mis dans cette compagnie-là, il mérite quelques années de retraite aussi. Mm-hmm. Mais un jeune retraité, 56 ans, ce cher Steve, donc c'est vraiment triste, vraiment dommage, et on espère vraiment qu'il ira mieux. Oui, tout à fait. Prochains jours. Et je suis au moins pour l'instant heureux de savoir qu'il va quand même avoir sa main un petit peu sur les choses, au moins pour dire quoi faire, et que Tim Cook prend le relais et donc Apple est quand même entre bonnes mains. Exactement. Ben oui, il a fait un très, très bon travail depuis qu'il est, il était par intérim. Non pas par intérim, mais remplaçant, je crois. Il était pas un high CEO comme était Steve Jobs pendant quelques années plutôt. Il était le remplaçant de Steve. Maintenant, il est le patron. C'est lui qui va faire les présentations keynote au WDC. Donc, Macworld Exposition. Et donc, ça va être quand même des gros souliers à chausser puisque Steve Jobs était un très, très bon présentateur. Il avait de très, très bonnes façons de présenter. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Peut-être éventuellement aussi qu'il reviendra peut-être faire des présentations. S'il est toujours autour d'Apple, il reste encore propriétaire et donc le big boss, ça reste lui, si on veut. Mais il ne prend plus les décisions. Ma copine, hier, première chose qu'elle a dit quand elle a vu ça, c'est « Ah, mais là, il ne verra pas le nouveau iPhone 5. » Non, verra. C'est pas comme s'il y en avait déjà un chez lui. Ouais, c'est ça. Il teste sûrement dans le laboratoire. Là. Ouais, genre. Ouais, ouais. Mais bizarre, hein, parce que Steve Wozniak, qui était au départ le cofondateur d'Apple, lui, ne reçoit pas nécessairement tous les gadgets que Apple font. Il peut en demander, il va en recevoir éventuellement, parce qu'il reste quand même actionnaire, mais il fait les lignes d'attente comme tout le monde pour aller se chercher le dernier iPhone, iPad et MacBook de ce monde. Donc, il est particulier, lui, de toute façon, Steve Wozniak. Quelque chose d'intéressant, je vous invite à aller sur CyberPress. En fait, on va vous le présenter. C'est les 10 moments clés de la carrière de Steve Jobs, justement, chez Apple. Sa carrière professionnelle, en fait. Et on débute avec le 1er avril 1976, Apple Computers, qui est formé par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui était en fait un investisseur, je crois qu'il avait travaillé avec Intel auparavant et qui a cru dans l'aventure d'Apple et donc qui a investi de l'argent qui a permis aux deux ingénieurs, Steve Wozniak qui était un ingénieur pratiquement diplômé et Steve Jobs qui était un ingénieur en herbe, à faire leurs ordinateurs et les vendre et rendre ça donc profitable avec le Apple 1 et le Apple 2. Dommage que son nom soit complètement oublié depuis. Oui, exactement, mais il y avait, je crois qu'il y avait comme 20% des actions et éventuellement, il les a vendues et comme disparu de la compagnie assez rapidement parce qu'il trouvait que Steve Jobs était, comment dire, un peu effronté au début d'Apple. Il sentait mauvais, on se rappelle aussi. Ah oui, il se lavait pas beaucoup, hein. Ouais, non, c'est vrai, on disait ça et il se promenait nu-pied, mais souvent ou en sandales dans les bureaux, c'était assez particulier. Il a rapidement débarqué de cette entreprise-là. Je me demande s'il regrette d'avoir vendu ses parts. Probablement. Probablement, oui, mais faut dire que Steve Jobs était vraiment compliqué à l'époque. Ils ont fait beaucoup d'argent avec l'entrée d'Apple sur le marché public au début des années 80. Je pense que c'est à ce moment-là que Ronald Wayne a débarqué un peu de l'entreprise, de l'aventure. Il a fait une bonne passe d'argent quand même, mais il a quitté. Donc, tout dépendant s'il a bien investi son argent, peut-être qu'il est quand même content de l'avoir quitté là. Peut-être. Le 24 janvier 1984, cette fois-ci, présentation du premier ordinateur Macintosh. Publicité télé qui entoure, entre autres, la publicité Big Brother. On présente un monde comme comme dans le roman 1984, en fait, comme... le livre dont Marie-Pierre a parlé. Dont Marie-Pierre, exactement, voilà. des liens. Ah, hyper liés. Incroyable, hyper liés. Et donc, cette publicité-là est entrée dans les livres d'histoire du marketing, puisque on s'en prend à IBM, en fait, et le PC d'IBM qui est paru, je crois, en même temps, quelques semaines avant le Macintosh, qui est devenu, qui était supposé être l'ordinateur le plus abordable et le plus pratique pour les gens. Chose qui était vraie à l'époque, mais nécessairement, le prix a peut-être un peu rendu le Macintosh un peu difficile de concurrence avec IBM à l'époque. Ensuite, en 1995, Steve Jobs se fait montrer la sortie par le conseil d'administration d'Apple, bien que Macintosh se vend bien. Le Lisa, qui était un projet aussi ambitieux qui datait de l'année précédente, est un échec et c'était dû à Steve Jobs aussi. Lisa, entre autres, qui était le nom de sa première fille. Ah oui? Oui, il a donné le nom de sa fille illégitime, si on veut, puisqu'il ne l'a pas connue tout de suite à l'ordinateur. Et c'était supposé être un ordinateur pour c'est-à-dire les entreprises, un ordinateur qui avait deux lecteurs de disquettes. Ah. Oh! Oui. Tu peux copier d'un à l'autre, là? Exactement. Wow. Ça a été le premier à avoir aussi une interface graphique comme on le connaît aujourd'hui avec OS X ou Windows 7 ou Windows XP. des trucs comme ça, mais c'était trop cher et ça se vendait pas assez bien au niveau des entreprises et le Macintosh est venu un peu remplacer. Le Lisa a aidé Apple à rester à flot parce que ça a passé proche de la faillite là, avec le Lisa. Ça a été très, très, très dangereux. Maintenant, on passe en 1996, donc une période de 11 ans où Steve Jobs n'était plus chez Apple. Il a fondé la compagnie Next et il a racheté Pixar. Et Next, en fait, a été racheté par Apple. Il l'avait créé quelques années plus tôt avec des gens de... d'Apple, en fait. Il était allé chercher ses meilleurs employés chez Apple pour créer Next. Et il a changé aussi sa philosophie de travail, c'est-à-dire qu'il est passé d'un patron tyrannique à un patron compréhensif et qui travaillait avec ses employés. Et ça a coûté cher à Apple. Par contre, ça a coûté 400 millions de dollars pour acheter Next. Et Next, qui était en fait des ordinateurs de luxe, hein, pas facilement abordables. On se rappelle, c'était des gros cubes, à peu près gros... peut-être de 50 cm par 50 cm par 50 cm, c'était 3D. D'ailleurs, le système... En fait, c'était pas nécessairement les ordinateurs, le Next qui était important pour Apple, plutôt le système d'exploitation qui a été le premier Mac OS X, justement. À l'époque, je crois qu'Apple était avec Mac OS 9 et donc ils cherchaient un nouveau système d'exploitation plus intéressant. Celui de Jobs était basé, bien sûr, sur le même type d'utilisation que Apple et on a fait la transition donc avec ça. Et ça a coûté 400 millions pour avoir ça. C'est incroyable. En même temps qu'Apple achète Next, Steve Jobs est devenu le CEO quelques semaines après, le chef exécutif officier. Par intérim, puisque c'est ça qui est incroyable, c'est que le chef d'Apple, le chef exécutif officier d'époque, a racheté Next et réinvité Steve Jobs dans la compagnie. On lui a donné des actions et tout. Mais il n'était pas président, mais ce gars-là s'est fait mettre à la porte quelques semaines après pour les mauvaises performances des ordinateurs d'Apple. Et Steve Jobs en a profité pour revenir par intérim. Donc, il était le iCEO avant même le iMac. C'était déjà lui qui était le i. Et c'est de là que tout est parti. Ah, sûrement. Et en août 1997, donc Bill Gates et Microsoft viennent en aide à Jobs et Apple en investissant 150 millions plutôt, dis-je. Incroyable. 150 millions de dollars dans l'entreprise donc, qui ont été investis par Microsoft et ils promettaient aussi de développer une version d'Office et Internet Explorer pour Mac, puisque bon, c'était les débuts d'Internet. Apple n'était pas nécessairement équipé pour affronter tout ça. Et, pardon. Et Office était également un meilleur système... c'est-à-dire de bureau, c'est-à-dire pour faire des traitements de texte ou Excel aussi, qui était quelque chose qu'Apple n'a jamais réussi à accoter, même avec Numbers, c'est pas encore aussi bon qu'Excel. Donc. C'était un bon move, mais ça a été vu par plusieurs comme un début de trahison par Steve Jobs, parce que Bill Gates était détesté de tous les gens d'Apple depuis des années pour, à ce qui paraît, il aurait volé une certaine partie de l'interface graphique à Apple pour faire son Windows 2 à l'époque. Et c'est ouais. Bref, c'est assez similaire en effet. Oui, c'est assez similaire. Oui, ouais. À l'époque, et même encore le concept du dossier, tout ça, ouais. C'était Apple qui avait emmené ça. Et Steve et Bill Gates, en fait, avaient travaillé avec les ordinateurs d'Apple. Ils leur avaient donné des ordinateurs à Microsoft pour pouvoir créer des programmes. Et il a comme parti avec ça, Bill Gates, et il a créé son propre système d'exploitation. En 1998, Jobs dévoile l'iMac, un ordinateur tout en un intégré à un tube cathodique, l'appareil qui est offert dans un boîtier translucide et de différentes couleurs qui se vend quand même plutôt bien, mm-hmm. puisque c'est un ordinateur qui est clair dans le noir grâce au tube cathodique de l'écran. C'est cute au bout. Ah, un bel ordinateur. Non, j'aimerais ça m'en acheter un. J'essaie d'en trouver un usagé, pas trop cher. C'est reconditionné avec peut-être de meilleures pièces à l'intérieur. Oui, exactement. Peut-être un bon disque dur, ouais. Et aussi de la bonne RAM et un accès Internet. Mais ne serait-ce que pour avoir ça sur un bureau, c'est beau. C'est juste beau. Ben, c'est pas pour rien que toutes les émissions de télé dans le temps avaient ça. Hein. Oui, exactement. Tout le monde en avait dans les sitcoms. Oui, c'était l'ordinateur fashion par excellence puisque les autres ordinateurs étaient blancs, beige, gris. C'était vraiment pas très beau. Non. C'était une façon de revenir aussi avec le concept du Mac Macintosh original, c'est-à-dire un ordinateur tout en un. Écran, il y a le clavier qui sort et la souris. Mais bref, c'est la seule chose, c'est la POC Mouse, comme tu avais déjà mentionné dans une chronique précédente. Ronde avec un. Ouais. Et Steve Jobs avait dit que c'était la plus belle souris jamais faite dans l'histoire de l'informatique. À l'époque, peut-être. Peut-être. Plus nécessairement aujourd'hui, mais bref, c'était le retour d'un ordinateur tout en un, très très beau. Puisque les Macintosh, par la suite, avaient été. C'était des tours avec des écrans, là. C'était devenu comme un PC et on avait ramené le concept. C'était assez beau. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait présenté le iMac, il était écrit Hello, comme le premier Macintosh. Oui. Hello again, entre parenthèses. Donc c'est très beau, c'est émouvant. J'avais des larmes. T'as la larme facile. Oui, j'ai la larme facile. Surtout ces jours-ci. Oh. Maintenant, le 23 octobre 2001, Steve Jobs dévoile le premier iPod, un baladeur entièrement numérique. L'iPod et iTunes deviendront rapidement l'icône d'une décennie axée sur la transition vers le numérique dans tous les secteurs de divertissement. Ils ont achevé ça avec l'App Store, bien sûr, dans les dernières années. Mais bref. C'est fou comment quand tu regardes un iPod de première génération aujourd'hui, comment ça a l'air arriéré. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. C'est laid. L'écran était cristaux liquides, c'est-à-dire noir et gris. C'était vraiment pas très beau. T'avais c'était pas très, les couvertures très dessus, t'avais rien. Non, c'est ça. T'avais un iPod, je pense, c'était 6 gigaoctets. Ouais. Pour le plus gros, c'était vraiment pas très beau. Donc, c'était vraiment bizarre. Mais on peut voir, d'ailleurs, je t'avais vu sur YouTube le lancement de l'iPad. De l'iPad, que dis-je? Mais on peut comparer, par contre, l'iPad et l'iPod. Oui. Comment Apple a avancé, parce qu'avant, c'était dans des salles de classe universitaires qui faisaient des présentations avec des petits écrans. C'était vraiment moins gros, moins beau. Ça a été une révolution, l'iPod, vraiment. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que ça devienne vraiment la révolution numérique. Et c'est ce qui a sauvé Apple encore là. Parce que bon, les ordinateurs, ça vendait bien, mais c'était quand même cher. L'iPod était moins cher et c'était justement disponible. C'était possible donc de vendre des produits moins chers et de garder la compagnie à flot encore une fois. Cette fois-ci, nous en sommes en 2002, en fait, Mac OS X. Oui, tu dis X parce que t'aimes ça, déranger les gens qui savent que c'est pas X, mais 10. Exactement. C'est comme si tu disais Windows 10P. Oui. Faudrait commencer à dire ça pourrait être bien. Hein? On commence à dire ça, Windows 10P. Windows 10P. Donc, en 2002, Mac OS X, un système dérivé de Next, basé Unix, bien sûr, est installé sur tous les nouveaux Mac dans un fondement de tous les appareils à venir d'Apple, du MacBook. MacBook, c'est une erreur parce que c'était encore le iBook à l'époque. Ouais. Le iBook au iPad, iOS, qui s'en sont des dérivés avec le temps. Mais j'ai vu d'ailleurs, j'étais allé voir une vidéo de Steve Jobs hier, c'était le lancement du iBook, le premier iBook blanc. Très très gros. Il pesait seulement comment qu'il disait ça? Je pense que c'était 5 livres il faisait juste 1.3 pouces d'épais avec un écran de 10 pouces. Wow. Carré. Ouais. C'était très laid. Ouais. Ben c'était l'époque. C'est ça. Et c'est le fun comment tu peux passer vraiment comme des journées complètes avec des conférences de presse. Moi aussi je fais ça des fois. Ça n'a pas de bon sens. Ça arrête plus. Je perds mon temps. C'est maudit YouTube avec les barres à côté qui dit vidéo reliée. Là. Exactement. Comment? Et dans cette. Ce qui est très très drôle, c'est que c'est il y a 10 ans, ça, exactement, en 2001. Et il disait, Steve Jobs, qu'il avait intégré des lecteurs CD dans les ordinateurs portables et qu'il croyait que c'était l'avenir de l'informatique, les lecteurs CD, les lecteurs DVD, les graveurs CD, et que tout s'en allait optique et qu'il fallait absolument avoir ça sur les ordinateurs. Cette année, lorsqu'on regarde maintenant les MacBook Air et Mac Mini qui sont sortis cette année. Deux prises USB, rien d'autre. Exactement. Ouais, tout va être dans le ciel. Là. Est-ce qu'ils savent, tu penses, est-ce que Apple sait que deux prises USB sur un ordinateur, c'est loin d'être assez? Pas assez. Non, il faut acheter un bus USB pour avoir plus ça. Mais c'est plate d'avoir ça parce que c'est un portable, tu veux pas avoir à te brancher partout. Déjà, tu branches dans le mur parce que t'as pas de batterie. Exactement. Ben, tu vois, mais. Ça va bien quand même, deux prises USB, mais j'aimerais ça en avoir plus des fois. Au moins trois. Oui. Maintenant, le 9 janvier 2007, introduction du premier iPhone exclusif à AT&T et surtout l'App Store, donc qui était là pour acheter, c'est-à-dire pour qu'on puisse aller acheter les applications, une boutique virtuelle donc qui transformait complètement l'industrie du sans-fil, créant une industrie aujourd'hui plus que milliardaire. Ouais. Parce que rappelons-le, le iPhone, quand il a été lancé, il n'y avait pas d'App Store, donc tout ce que tu pouvais avoir sur ton iPhone, c'était la calculatrice, l'horloge, puis le chronomètre. Exactement. Et tu pouvais faire des appels aux États-Unis lorsque tu avais été. Tu pouvais faire des appels une fois de temps en temps. Je pense que c'était des rumeurs que tu pouvais faire des appels avec. Ouais, on dit que ça a été probablement un des échecs par rapport au iPhone, c'est d'avoir décidé de rendre ça exclusif à AT&T qui n'avait pas un très bon service. Le 3G n'était pas du tout là et l'antenne ne fonctionnait pas nécessairement super bien non plus sur l'iPhone. Ça me dit quelque chose sur quelque chose de récent, ça. Et finalement, pour terminer, le 27 janvier 2010, introduction du iPad, une extension logique du iPhone. Et aussi acteur largement dominant dans son créneau des tablettes, bien sûr. Vous voyez qu'il allait avoir Mac OS X installé dessus, mais malheureusement, Mac OS X n'est pas installé sur iPad. Il n'y a pas Windows 10P non plus. J'ai vraiment hâte de l'utiliser plus souvent. Maintenant, bon, on peut laisser tomber Steve Jobs de ce côté-là. On pourrait dire que 24 août 2011, démission. Oui, exactement. Il a démissionné. Est-ce que tu as deux minutes pour prendre une pause et revenir après? Oui, bien sûr. Assez parlé de Steve Jobs, assez sur notre foire de l'emploi d'aujourd'hui. Steve Jobs! Obama! Obama! Qui crée des emplois aux États-Unis? Qui dit qu'il fait? Ben, je pense pas que personne serait mieux placé que lui pour le faire. Exactement. Surtout le gars qui dit que sa religion devrait être enseignée à tous les jeunes dans les écoles. Oui! Il est en avance, d'ailleurs, chez les républicains. Oui. Donc, une petite pause et on revient toujours sur notre bateau avec une troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Donc, Simon Fitzbé avec le reste du scout des internets. Le scout des internets! Et juste après, on va parler avec Jimmy Rouleau dans nos studios avec performance en direct et on va entendre des pièces de Jimmy. Oh! Oh oui, là, c'est là! Oh, oh, oh! Top Noël en studio! Oh, oh, oh, oh, oh! Hey, c'est quel Noël du campeur, c'est fini, ça, c'est passé? Je pense que oui. Ah, on a raté notre chance, hein? Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1 Troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis en direct du SS Requis en ce jeudi 25 août 2011. Toujours avec Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. Elle va être de retour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission. Donc, non seulement dernière de la vie de croisière d'assemblage requis avant le retour à la case matinale, mais en plus, la dernière chronique de Simon Fitzbé, le scout des internets, avant qu'il retourne à son propriétaire habituel, Danny Jean-Louis. Exactement. Je vais aller dîner avec les cons. À dîner avec les cons. Stupid lunch. T'es sur une laisse, disons, pour l'instant. T'es ici, tu fais ta petite chronique, puis après ça, je lâche l'élastique, puis retourne dans ta cabane. T'sais. Un peu comme Myriam Fugère, qui j'espère va être de retour la semaine prochaine aussi. Ça fait un mois à peu près qu'on l'a pas vu. Est allée vaquer à ses occupations avec une autre sorte de laisse dans des studios d'autres endroits. On s'en parlera hors ronde. Donc, Myriam Fugère, peut-être la semaine prochaine, on a très, très hâte de la revoir, de la retrouver en studio. Et puis après ça, elle retournera à l'année janvier s'il veut bien d'elle. Et s'il veut bien de lui. On verra. Qu'est-ce que je disais? Oui, on était dans... On s'emporte, on placote là, comme des gens qui font de la radio depuis un bout ensemble. Ben ça oui. Se placoter. C'est le scout des internets. Scout des internets. Donc, Simon Fitzbé, avant-dernière chronique du scout des internets. Et tantôt, on a parlé de Steve Jobs en long et en large. Quoi d'autre dans le domaine des nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles sur Apple? Qu'est-ce qu'on... Excuse, je suis dans l'une, c'est parce que j'étais en train de jouer à mes jeux sur Google Plus. Il y a des jeux sur Google Plus. Il y a des jeux sur Google Plus. Non. Ben oui, c'est arrivé la semaine dernière, en fait. On peut jouer à différents jeux. Et là, d'ailleurs, je suis en train de vraiment jouer pour vous. Mais c'était ça le problème avec Google Plus. Tout le monde le disait, ça ressemblait pas assez à Facebook. Ouais, là, ça ressemble beaucoup trop à Facebook. Ouais. Et d'ailleurs, bon, laisse-moi quitter ça, le problème. C'est un peu comme le problème avec Rock Détente. Le problème, c'était le nom. Il fallait que ça change de nom pour de vraiment devenir bon. C'est pas un nom, c'est une couleur. Mais bref. Ah, ouais. T'as-tu vu sur le site de Cifou.ca, on a tordu le logo pour y enlever tout son rouge, non? Faudrait j'aille voir ça. Voir ça, ouais. Mais oui, donc des jeux qui sont disponibles sur Google Plus par rapport des jeux semblables, certains à Facebook. D'ailleurs, il y a le Zynga Poker qu'on retrouve sur Facebook. Mais je te dirais le jeu le plus intéressant, ce qui m'a attiré vraiment à aller essayer, parce que des jeux habituellement sur Internet, je joue pas vraiment à ça. Non. Angry Bird. Ah oui! Est disponible sur Google Plus et c'est vraiment plaisant, c'est mais ça. Ça rend accro. Un peu trop, hein? En fait, t'as trois niveaux différents et je les ai toutes faites. Et t'as des niveaux Google. Dans le fond, si tu pognes le petit bonhomme Chrome qui est caché dans l'écran quelque part avec ton oiseau, tu peux avoir des niveaux supplémentaires, des jeux comme ça. C'est intéressant, c'est le fun. Et c'est gratuit, contrairement à la version sur le App Store. Ça coûte 5$ pour le Mac. Les graphismes sont vraiment beaux. Ouais, ben j'ai peut-être justement, je sais pas, j'y pense. C'en est un qui a tellement de niveau pour ce prix-là. Quand j'aurai plus de temps, peut-être que j'essaierai. Moi, tu vois, à la place d'avoir du temps, j'achète le plus de jeux possible pour un jour, quand j'aurai du temps dans ma vie, je pourrai me gaver, tu sais. Tel un oiseau qui se fait vomir dans la bouche. Ouais. Les jeux qui sont disponibles sur... Moi, je sais, les gars. Les jeux qui sont disponibles, comme je disais, le poker, mais également un jeu qui s'appelle Edge World, assez intéressant. Tu formes une base sur une planète et là, faut aller chercher des ressources et tout. Boring. Ça rend accro. Hein. Ouais. J'ai joué beaucoup. Crime City, où tu commets des crimes. City of Wonder, qui est un autre truc style Facebook. Bubble Island, qui est le jeu où tu tires sur des boules là, qui sont comme pognées en paquet. Ah, c'est fun, ça. Ben oui. Il y a également... Je cherche Bejewel, qui est une affaire de diamants style Tetris, qui est un des jeux préférés de tous les temps à ma mère. Oui, il y a de toutes les mères du monde, je pense. Et bien d'autres, des jeux plus plates que d'autres, j'imagine. Je n'ai pas tout essayé parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc si vous cherchez une raison d'aller sur Google Plus, allez essayer les jeux. Allez, si vous n'avez jamais joué à Angry Bird, allez-y pour ça. Parce qu'il n'est pas sur Facebook encore. Parce qu'il n'est pas sur Facebook. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg est allé essayer tous les jeux avec son compte Google Plus. Non! Si c'est vraiment lui, là, bref, il a essayé les jeux. J'ai battu Angry Bird, je suis bien content parce que tu peux compétitionner avec les gens. Ça, c'est le fun. Ouais. Mais bref, aussi, autre truc qui est sorti sur Google Plus, on dit que 83% des gens qui utilisent Google Plus ne l'utilisent pas, en fait. Ben, c'est ça, là, parce que là, ils arrêtaient pas de se vanter des nombres. Il y a 25 millions de personnes. Hey, tout le monde est là-dessus, la planète au complet a un compte, ouais. Là-dessus, il y a juste 2,5 millions de personnes qui l'utilisent vraiment pour vrai, tu sais. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert un compte, un peu comme moi, qui l'utilisent pas vraiment, à part pour aller essayer des jeux débiles. Donc, mais c'est vrai, personnellement, j'y vais pratiquement jamais voir les trucs de Google+. Ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je suis un Twitter man et je pense que je vais le rester. Ben, c'est correct, ça. Il faut choisir son camp dans la vie. Exactement. Ouais. Et je fais partie de la micro-communauté du microblog. Oui, ben oui. Ben, là, il y a plein de monde dessus, mais dans le temps que je suis arrivé, c'était encore micro. Genre. Crime, ça fait comme la radio aussi. On est comme des micros, quelque chose. T'sais. Oh! Ça peut... oh. Que c'est déplaisant, c'est tellement déplaisant. Ouais. Restant dans les réseaux sociaux. OK. Ah, OK. Le gouvernement britannique, en fait, a réuni les responsables des réseaux sociaux pour discuter de ce qui est arrivé au début du mois d'août, c'est-à-dire les émeutes qui ont eu lieu en Angleterre. Et les discussions sont présidées par la ministre de l'Intérieur, Theresa May. Et donc, on a invité donc, les responsables de tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter et BlackBerry. Non, pas tous, parce que Google n'était pas là. Pour discuter de l'intervention des réseaux sociaux par rapport aux trucs qui sont arrivés là-bas. On dit que 2,5 millions de tweets sur les émeutes ont été envoyés entre le 6 et le 17 août. Et c'est selon le quotidien The Guardian. Virgin. Selon eux, Twitter a été majoritairement utilisé pour réagir et non pour appeler aux violences, y compris pour appeler à nettoyer les rues. Oui, ben oui, c'est ça. Ça, c'est gentil au moins. Les gens se rassemblaient pour aller faire le ménage, c'est sympathique. Oui, quand même. Et on dit que plusieurs personnes sont suspectées d'avoir utilisé Facebook, Twitter et messagerie BlackBerry Messenger pour inciter à la violence. Donc, surtout pour Facebook, j'imagine, puisqu'il y a plus de gens sur Facebook que sur Twitter. Anyway. Maintenant, on peut passer à la musique. En fait, Lady Gaga qui est censurée sur Internet en Chine. Non. Oui. Et elle n'est pas la seule, en fait. Le gouvernement chinois a décidé de bannir certains groupes, dont Lady Gaga, les Backstreet Boys, ainsi que Simple Plan. Je peux comprendre pour les deux derniers, en tout cas. Au moins. Ben, c'est peut-être Beyoncé Knowles aussi qui a été enlevé de l'Internet Chine. C'est quand même assez bien. Peut-être qu'ils vont avoir de la meilleure musique, justement, à écouter. Parce que, bon, ça, c'est au nombre de choses mauvaises qu'il y a dans la vie. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas mal dans le plus mauvais, je te dis. Personnellement, mais bon. On dit aussi que flâner sur le web augmenterait la productivité au travail. Ben, voyons donc. Eh oui, c'est une université de Singapour qui a sorti cette étude-là. En fait, ils ont formé trois groupes avec 60 quelques personnes. Ils ont fait travailler les gens à relever le plus de « e » dans un texte quelconque. Il fallait qu'ils surlignent les « e », qu'ils les comptent. Et après un certain moment, il y avait une pause de 10 minutes. Et pendant cette pause, un groupe n'avait pas accès à l'Internet. Un groupe était assigné à d'autres tâches et un autre groupe devait aller sur Internet. Et on dit que les gens qui sont allés sur Internet étaient 39% plus productifs que ceux qui n'avaient pas eu de pause ou qui n'avaient pas eu accès en fait à Internet en pause. On dit que peut-être se lâcher l'esprit un peu sur Internet, ça peut aider au travail par la suite. Et je suis quand même assez d'accord avec ça. Moi aussi, il faut une petite récompense une fois de temps en temps. Exactement, il faut se calmer un peu de tout ça. Ouais. Maintenant, si vous voulez faire les fous sur Internet, la voiture de Google est de retour dans la région montréalaise. Oh, les caméras de Street View! Effectivement, ils vont augmenter, non pas augmenter, mais plutôt updater, mettre à jour leurs images de la ville de Montréal. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai Street Viewé. Oh, ça comme ça. Rue Regardée. Rue Regardée, oui, la maison de ma mère. Et j'ai vu son copain qui essayait de débarrer à la porte. C'est très drôle parce qu'il est comme figé dans le temps pour encore, j'imagine, quelques années. Parce que c'est une petite région, Joliette. Je pense pas que la voiture de Google va y aller trop souvent. Tu le vois qu'il essaie de débarrer à la porte. C'est le fun. C'est fun aussi à Trois-Rivières de regarder au centre-ville tous les magasins qui ont fermé depuis. T'as comme absolument rien de pareil. Il y avait un bar à ce coin-là. Un bar, là. Le Charlotte. Ah, ouais. Un magasin. Ah, ouais. Wow! Il y avait un restaurant. Ah, il a fermé. Il y a eu un autre restaurant. Il a fermé. Oui, lui aussi. C'est ça. Trois-Rivières. Eh oui. C'est très Trois-Rivières. Hein? Ouais, mais il y a des trucs qui fonctionnent bien, Trois-Rivières. Les cafés fonctionnent bien. Oui. Mais les restaurants, c'est différent. Ouais. Mais ce qui est le fun, quand même, c'est que tu peux aller dans des centres d'achat dîner, mettons, dans un centre d'achat. T'as le choix entre de l'asiatique ou une poutine, tu sais. C'est le fun, ça. T'as de la variété. C'est ça, Trois-Rivières. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu trouves? Ouais, mais le dernier qui est arrivé est quand même bon. Ouais, hein? Ouais. Et il est rapide, apparemment. C'est dans le nom. Quand tu dis rapide dans le nom, ouais, c'est rapide. On a aussi Facebook qui resserre ses politiques de vie privée, encore une fois. Ben oui, à chaque année, hein? Oui, quasiment deux semaines maintenant. Ouais. En fait, on dit que les réseaux sociaux, le réseau social, en fait, le plus populaire du web, modifie ses politiques relatives à la vie privée. Et que les utilisateurs ont davantage de contrôle sur les gens qu'ils envoient, auxquels ils envoient des informations. Mais Facebook jure que cela n'a rien à voir avec l'arrivée de Google Plus dans le paysage. Ils se sentent pas menacés du tout. Oui, c'est ça. Donc pour aider les gens à avoir plus de sécurité. Pour être franc, j'ai pas vraiment lu l'article parce que c'est tout le temps des trucs. C'est plate un petit peu, mais c'est bon de savoir. C'est comme lire la politique de confidentialité de Facebook qui fait quoi, 10 pages maintenant. C'est plate et c'est long, c'est des petits caractères. Une chance qu'ils te forcent pas parce qu'il y a une photo qui était postée, sûrement que ça date de là 10 ans, mais d'une compagnie qui avait dans son logiciel un accord. T'étais obligé de la lire au complet. Ça disait, crime, ça t'a pris 32 secondes. Tu dois pas l'avoir lu au complet? Moi, je me rappelle, j'avais déjà installé un jeu, c'était ça. Mais c'est un jeu piraté, donc pas très grave. Non, c'est pas très grave. Je pense que c'est le plus petit de tes soucis après avoir piraté un logiciel de ne pas avoir lu le contrat. Ouais. On dit que, pour terminer... D'accord. Qu'il va y avoir un iPhone 4 moins cher qui serait bientôt vendu. Hey, ça serait pas incroyable, ça? Il y a un commerce là, qui annonce à la radio en ce moment là, d'une compagnie que c'est comme un genre de faux appel téléphonique d'un gars qui demande « Hey, nom de la compagnie, vous avez pas déjà pensé à vendre votre iPhone 4 moins cher? » Et l'annonceur de dire « Mais oui, non seulement ça, mais nous le faisons. C'est sûr qu'ils vendent à 100$ leur iPhone. Il est fini. C'est fini. Ça fait maintenant un 5e dans 2 mois. Là, voyons. » Mais aussi, c'est que tu vas le payer avec tes frais mensuels pendant 3 ans. Il faut un peu. Façon. Un 50$ par mois minimum. Ouais. Mais ouais. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Donc, si tu calcules, tu le payes pas mal. Coûte cher. Ouais, et on disait en fait que selon les sources citées par l'agence de presse Reuters. Bravo pour l'accent. Ouais, j'essaie d'être imité aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors moi, sérieusement, je suis un petit peu fou braque là, quand il faut que je parle en anglais, il faut trop que je dise exactement comme ils disent en anglais. Puis en anglais, ils prononcent Reuters, puis il faut que je dise Reuters, je prononce en anglais, puis ça m'énerve. Selon. Non, on recommence. Selon des sources citées par l'agence Reuters. Genre. Ouais. L'entreprise californienne lancerait d'ici quelques semaines une version allégée de son téléphone multifonction qui serait dotée d'une mémoire de 8 gigs plutôt que de 16 ou 32 gigas. Le minimum est 16, donc il ferait un nouveau modèle spécifiquement pour le marché du moins cher. Exactement. Ouais. Et donc, après 3 applications, un album, 2-3 applications. Exactement. Et un carnet d'adresses. Ouais, même si chanceux. Ouais, c'est ouais. Tu vas pouvoir stocker genre un message texte à la fois dans ta mémoire. Tellement pas assez, 8 gigs, là, sérieusement. Ah, mais si ça se vend mieux, ça... Ouais, il y a des gens que c'est assez pour eux qui n'iront jamais inscrire leur carte de crédit sur l'iTunes Store parce qu'ils ont peur. T'sais. Ça arrive. En fait, je sais pas si tu peux activer ton iPhone sans avoir le numéro de carte de crédit. Je pense que non. Pas sûr. Faut t'aller acheter une carte cadeau dans un magasin quelconque. Dans le genre, ouais. C'est comme ma blonde qui a pas de carte de crédit, qui voulait acheter des trucs sur l'App Store. C'est comme Marie-Pierre qui a même pas de cellulaire, fait que quand je veux y écrire quelque chose, faut que je passe par Facebook. C'est bien le fun. Non, au moins, toi, t'as Facebook. Pas de Facebook. Ouais, c'est ça. Chacun a quelque chose qu'il a pas, là. Ouais, eh oui. Mais on n'a pas. Écoute, on n'a pas un salaire d'employé de ces fous. Colin, même chance. On se plaindra pas en nom, là. Non. Vive C'est Fou! Yeah! Yeah! On adore C'est Fou. Vive le CA. Bon. Donc, merci. Hey. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Qui est celui-ci? Simon Fitzbay. Mon boss, finalement, genre. Ben. Non. Ton boss, c'est ton boss. D'accord. Nous autres, on est le boss de ton boss. Chacun sa place, personne ne passe par-dessus l'autre. Genre, c'est supposément. Ouais, en tout cas. Donc, Simon Fitzbay, le scout des internets, la semaine prochaine pour ta dernière chronique. Après ça, on rembobine ta laisse. Ouais. Et tu retournes au dîner. Je retourne le midi. Et moi, je t'écoute et je peux pas parler. Ben, je vais parler dans mon bureau. Ouais. Ben, écoute, j'irai dans ton bureau, on en parlera après. On fera une extra chronique. Un podcast, on se parle d'un podcast. Ouais. Les geeks de Google, les Mac et Apple, ouais, c'est ça. L'émission de la fierté geek, moi, j'aime bien ça. C'est pas pire. C'est pas pire, hein? Ouais, je me trouve des slogans, puis je les utilise pas, puis c'est bon. Donc, sinon, on te retrouve aussi les jeudi soir, ce soir. De retour, enfin. De retour, avec un genre de bleu. Genre 2 épisodes restants, mais je serai là. C'est ça. Après ça, on verra. On passera à d'autres choses, là, toi. Ouais, tous tes milliers de projets. Nouveau projet qui s'en vient. On aura peut-être un avant-goût la semaine prochaine. Quand est-ce que tu vas nous donner un avant-goût de ça? C'est ultra secret pour le moment. Ah, ouais. Ça va dépendre, ouais. Mais c'est en développement et ça s'en vient bien. D'accord. Mm-hmm. Bon. Donc, un genre de bleu. Un genre de bleu. Ce soir, 21h. Ouais. Jeudi. Ouais. Sinon, vendredi matin à 10h à l'émission Album Classique. Oh, oui. Et qu'est-ce qui se passe à l'émission Album Classique cette semaine? Album Classique, on va avoir un album de 1968 par Billy Nichols qui a été enregistré en 68, mais qui est paru seulement en 1996. Il a été mis sur les tablettes pendant 28 ans. Il a été mis sur une assiette réchaud parce que Nichols Smoke Meat. Nichols Smoke Meat, Club Sandwich. Très drôle. Ouais. Mais donc c'est un très bon album. C'est une réponse en fait britannique à l'album Pet Sounds des Beach Boys. Ah, qui est un album américain. C'est vraiment très très bon. Pour les fans des Beach Boys, ne manquez pas l'album classique les vendredis à 10h, dis-je, ou les... Mardi à midi. Exactement. Un genre de bleu, en passant, on l'a pas dit tantôt, mais est en rediffusion les samedis à 19h. Et on va aussi t'écouter dans ta chronique Les Éphémérides. Les vendredis dans Rock Classique, ça commence à 11h. Exactement, on est de retour cette semaine après 3 semaines de vacances, là aussi. Tout le monde est de retour, sauf ceux qui sont pas partis, tu sais. Ouais, comme toi, Mathieu, qui a tenu le fort pendant tout l'été. Ben voilà. Et la semaine prochaine, ma chronique va être spéciale aussi. Ah! Je vais parler de Facebook. Je vais parler de ma cure de désintoxication de Facebook et tout ce que ça a créé dans ma vie, autant de positif que de négatif, et comment va mon statut social depuis ce temps-là. Et ça va se conclure par ta réinscription, c'est ça, toi? Je peux pas garantir ça. OK. Mais ça va avoir une fin spéciale. Ah, j'ai très hâte d'entendre ça. La semaine prochaine, dans le scout des internets, dans la vie de croisière d'assemblage requis, jeudi entre 13h et 17h. Merci beaucoup, Simon, encore une fois. Merci. On se quitte avec une pièce de We Are Enfants Terribles. C'est Make You Laugh. C'est We Are Enfants Terribles, mais prononcé avec un accent en anglais. Là. Reuters! Reuters! C'est assez fou, 89 FM. We Are Enfants Terribles avec la pièce Make You Laugh au 89 FM, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. On avait pris une petite pause de palmarès et on va y retourner. Je vous rappelle que, bah, pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt dans l'émission, normalement, tout l'été, on fait 20 francophones une semaine, 20 anglophones l'autre semaine. C'est les palmarès de chaque côté. On sépare ça. Mais là, le palmarès dure du 1er au 28 août et à la place de vous jouer les pièces dans le même ordre à chaque semaine pendant tout le mois, cette semaine, on a décidé de remixer ça un peu. Donc, on est rendu aux positions numéro 6. Tiens, au hasard, du côté anglophone, on va entendre Miracle Fortress avec Everything Works. Mais tout de suite, voici Martin Léon et le Chaka Chaka. Sur C'est fou, 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières.

We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. Numéro 6. Sixième position, du côté anglophone, on vient d'entendre Miracle Fortress avec Everything Works. Et avant, c'était Martin Léon avec le Shack à Chuck qui monte d'une place. On continuera avec d'autres pièces de palmarès plus tard dans l'émission. On va continuer notre désordre total de l'été, de jouer des pièces n'importe comment. C'est comme ça qu'on aime ça à la vie de croisière d'assemblage requis. Mais avant de continuer le palmarès, on va entendre une pièce de notre ami Jimmy Rouleau qu'on va recevoir en entrevue tantôt. Voici à l'instant même Désert de glace sur C'est fou. La tête et le corps. La pièce Désert de glace dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. On reçoit justement Jimmy en direct en studio en ce moment même. Bonjour Jimmy. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue à C'est fou dans nos studios, nos humbles studios. C'est beau, hein? C'est très accueillant. C'est convivial, on pourrait dire. Exactement. Accueillant, j'aime ça. Accueillant, ça fait positif. Ça n'a pas l'air petit, tu sais. Accueillant, c'est sympathique. Donc Jimmy, t'es à Trois-Rivières pour ton spectacle qui a lieu ce soir, jeudi 25 août au Zénob. C'est bien ça? Exactement. On pourra en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. On va parler par contre en premier de toi parce que on connaît peut-être pas encore ton nom. Il y a des gens qui sont peut-être pas encore habitués au nom de Jimmy Rouleau. Mais ton passé est composé de groupes et de gens qu'on connaît bien. Oui, exactement. Disons que je suis encore dans l'underground, comme on pourrait dire. Ben, comme la plupart des artistes qu'on joue assez fou, mais à un moment donné, l'underground est de moins en moins underground. T'sais. C'est ça. Des fois, ça se transforme. Hein. Il y a des fois des bands ou des noms qui ressortent des fois. Exactement. Donc, parle-nous un petit peu de ton passé avec les groupes que dans lesquels tu étais avant. OK. Je vais tenter d'être bref, mais disons que je vais parler de ceux avec qui j'ai connecté et puis que j'ai évolué beaucoup. C'est certain qu'il y a Éric Goulet, des Chiens, avec qui j'ai joué, que j'ai fait de la tournée. Après ça, si je ratisse large, j'ai aussi travaillé avec le Cirque du Soleil. Oui. J'ai fait de la musique pour le deux albums du Cirque du Soleil, Charles Dubé aussi, avec qui j'ai fait de la tournée, et beaucoup d'autres chanteurs. Disons que j'étais un guitariste de studio et qui a fait beaucoup de tournées de studio avec des auteurs, compositeurs, interprètes, exactement. OK, super. J'ai lu que tu habitais dans la grande ville jusqu'à temps que tu déménages est-ce qu'on peut dire en campagne? Est-ce que c'est... Oui, c'est en campagne. Dans un coin plus reculé, mettons. Oui, c'est sur le bord du fleuve. J'habite dans le coin de Rivière-du-Loup maintenant. OK. Et puis, c'est ça, j'ai habité 10 ans à Montréal pendant ma carrière de guitariste, justement, studio. Et puis, après ça, j'ai déménagé parce que j'ai eu une offre pour travailler là-bas et puis pour monter, construire un studio d'enregistrement. Et puis, j'avais le goût de me retirer un peu pour composer et puis, justement, faire ma musique, là, et composer, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que la plupart des artistes feraient le contraire, un petit peu passer d'une petite ville à une grande ville pour essayer de faire leur carrière. Mais toi, ça fonctionne bien comme ça. C'est vraiment spécial, mais oui, ça fonctionne bien. C'est certain que Rivière-du-Loup, hein, c'est comme un... c'est quand même assez stratégique. Je peux aller jouer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je peux aller jouer en Gaspésie, dans le coin de Tadoussac ou à Québec. C'est certain que Montréal, c'est un peu plus loin, Trois-Rivières, mais ça me dérange pas de faire de la route. Et puis, c'est la vie qui m'a amené là. Et puis, c'est ça, je me laisse aller dans le flow de la vie. Oh, ah, c'est poétique. C'est comme tes chansons, finalement, c'est de la poésie, ça? Ben c'est oui, bon. J'écris beaucoup, et puis c'est ça, j'essaye d'observer ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est ça qui t'inspire, regarder tout ce qui se passe dans notre beau monde aujourd'hui, en 2011. Exactement, j'essaie de décoder ce qui se passe, et j'essaie d'anticiper le futur un peu. Des fois. Ouais. Ben, parlant de futur, tu prépares donc un nouvel album qui va sortir en 2012. On n'a pas encore de date exacte. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de cet album-là? De quoi ça va avoir l'air, en gros, maintenant? Par rapport au premier. Le premier, c'est un album qui est très personnel. C'était plusieurs compositions que j'accumulais depuis plusieurs années. Le prochain album, c'est un peu plus tourné vers le monde, vers justement les autres personnes, les autres sociétés, ce qui nous touche en tant que société, en tant que contemporain. C'est un peu ça, c'est tourné vers un peu l'extérieur. C'est un album plus extérieur, plus pop aussi, plus mélodique, rock un peu. OK. On a entendu tantôt Désert de glace, premier extrait officiel, pièce vedette de l'album. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette pièce-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, le texte et la musique? OK, Désert de glace, c'est une chanson qui parle de deux personnes qui sont dans un monde un peu froid, un peu désertique, notre monde qu'on est présentement, dans lequel on est présentement, et puis qui parle de choses un peu terre à terre, plus comme en façade, et puis tranquillement, ces deux personnes-là laissent tomber les armes, et puis décident de se rapprocher et de connecter pour de vrai. C'est un peu ça que la chanson parle. Mm-hmm. Ouais. D'accord, là tu parles en... Non, mais c'est bien. C'est super. C'est une allégorie et tout. Tu pars en tournée à travers la province. Yes. Est-ce que c'est commencé depuis longtemps? Est-ce que tu commences? Est-ce que tu es au milieu, à la fin? Trois quarts, pourcentage? Je suis au début de ma série de spectacles. Okay. C'est ça. J'ai un spectacle à Québec, à la Ninkasi, la semaine prochaine. Mais ce soir, je suis au Zenob. Et pour la première fois, c'est souvent des places où je ne suis jamais allé. Le Zenob, c'est la première fois que je viens jouer ici. Et puis, tu vois, mais ça, c'est une belle petite place. C'est convivial. Tu disais tantôt le mot convivial, sympathique pour notre studio. Accueillant, ben oui. Ça s'applique aux Zenob aussi. Ben oui, déjà, Eric Ayotte m'a reçu. Je suis arrivé depuis hier et puis je profite de Trois-Rivières. Et ma foi, c'est très inspirant, Trois-Rivières. Ouais, est-ce que tu es allé à des endroits que les gens pourraient savoir? J'ai marché beaucoup dans le centre-ville. Okay. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'on peut aller sur le bord du fleuve. Ouais. J'aime ça, c'est sur le bord du fleuve. Ouais. Ça fait peur des fois quand tu t'approches. Ah oui? Pas okay. Barrière. est-ce que tu vas chanter les nouvelles chansons de ton futur album ou est-ce que tu vas réserver plus les pièces de ton précédent? Ou... Je crois que je vais vous chanter une nouvelle chanson qui est déjà enregistrée mais pas terminée encore. Donc, je vais vous chanter, je crois, Pour toujours, la chanson Pour toujours. Pour toujours. Ouais. Exactement. C'est cool. Est-ce que c'est celle que tu vas nous chanter tantôt en studio? Exactement. OK, cool. Donc, on disait, c'est ce soir le 25 août. Est-ce que tu as d'autres spectacles qui s'en viennent aussi? Est-ce que tu peux mentionner quelques dates, quelques villes, si tu les sais par cœur? Sinon, je peux t'aider. jeudi prochain, je joue d'un 5 à 7 à la Ninkasi. J'avais quelques invités. Okay. Puis après ça, ça va être à la Pocatière le 22 septembre. Et puis Rivière-du-Loup le 7 octobre. Puis après ça, là, il y a plein de dates flottantes. J'aimerais bien aller faire un tour à Montréal prochainement aussi. Mais c'est pour l'instant, c'est les dates qui sont les plus proches. Là. D'accord. Ouais. Tu as réédité ton premier album, ouais. Traverser l'écran. Tu l'as réédité, tu l'as ressorti, tu l'as reprinté, tous les termes super audio. Oui, exactement. En réalité, il s'est passé quelque chose l'année passée dans ma vie. J'ai passé une semaine avec Gilles Vigneault. C'est un atelier d'écriture. On a passé une semaine, on était 8 auteurs-compositeurs, puis j'ai vraiment appris beaucoup. Puis quand je suis revenu à la maison, mon album n'était pas masterisé encore. Le mastering, c'est un peu l'étape finale là, avant la duplication. Puis c'est ça, je suis revenu de ma semaine à Natashquan, et puis j'ai comme recomposé les paroles de certaines chansons et même les mélodies. Et finalement, j'ai refait mes voix de mon album et j'ai remixé mon premier album avant le mastering final et la duplication. Donc, okay. c'est comme... C'est pas juste refaire le premier CD, c'est pas juste le réimprimer, le... Non, ben, regraver. Ben, c'est ça. Moi, je suis artiste indépendant, okay. Donc j'avais pas fait de duplication. Mm-hmm. Donc depuis 2009, je fabriquais mes albums un à un, seul. Donc il y avait comme une petite étape qui était pas faite avant de officialiser l'album. Donc j'ai comme profité de l'occasion pour retravailler l'album, mais je ferai plus jamais ça. C'est pas une bonne expérience, non? Ben c'est parce que vu que c'était des vieilles pièces et puis que c'était comme vraiment comme beaucoup de travail, des pièces qui étaient très différentes, j'ai tenté de normaliser ça, mais ça a été comme j'ai travaillé longtemps sur le premier album et puis là c'est drôle à dire, mais l'expérience et puis les techniques que j'ai apprises m'aident beaucoup pour composer. Donc, je compose plus rapidement et puis c'est plus facile pour moi de composer. Et puis, je pense que ça va être beaucoup plus facile dans les prochains albums de me concentrer et de faire un album et après ça, laisser aller les chansons. Je suis beaucoup plus fier de mes chansons qu'il y a 3 ans, disons. Donc, c'est ça, un artiste, ça l'avance toujours, ça se développe. Et puis là, je suis rendu à une étape, je suis pas rendu une... Je dirais pas la maturité, parce que je suis nullement rendu dans la maturité. mais je sens que je suis en moyen de faire plusieurs chansons et de les accepter comme elles sont. Peut-être ça fait partie du cheminement. Là, je fais ça. C'est profond. Ouais. Ben oui, tout à fait, t'apprends. C'est super. Ouais. Sinon, dernière petite question avant la performance qu'on a tous hâte d'entendre. T'es pas parlé d'un organisme qui s'appelle, comment est-ce qu'on prononce, Camp? Campé. Campé, d'accord. Exactement, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un organisme que Arcade Fire a démarré. J'ai fait de la musique un peu avec Régine Chassaigne. Dans une autre époque, j'avais un duo de jazz avec elle et, okay. Et j'ai communiqué avec elle parce que je me suis dit que oui, vendre des albums et promouvoir sa musique, c'est cool, mais on dirait que c'est encore mieux quand tu sais que ça aide d'autres personnes. Donc, il y a $1 de mes ventes d'albums qui vont à cet organisme-là. C'est pour aider les gens en Haïti à s'organiser un peu. C'est un organisme de réhabilitation sociale. Donc, il y a des cours d'économie sociale, des cours comment faire son budget, comment organiser sa vie. Et puis, tout ça est gratuit et ça aide des familles à s'aider eux-mêmes. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Et puis, c'est ça. Régine est la porte-parole de Campé. Ses parents sont originaires d'Haïti. Donc, c'est un peu ça, toute l'histoire là, de cet organisme-là. Excellente idée. Oui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Campé, est-ce que sur Internet, une adresse? Oui, campé.org. Et puis vous allez voir tous les détails, là, et c'est qui qu'on aide et puis qui s'occupe de ce truc-là. Là. Parfait. C'est donc 1$ par album qu'on achète sur quelle plateforme? Présentement, je suis indépendant, donc c'est seulement mes spectacles qu'on vend mes albums. Ce soir au Zénum, Ce fait. Soir au Zénum, j'ai avoir quelques albums à vendre et chaque vente, il y a $1 de la vente qui s'en va à cet organisme-là. Merveilleux. Ouais. Donc, on va, comme on l'a promis, te laisser faire ta performance en direct dans nos studios. Quelle chanson vas-tu nous présenter? Je vais faire la chanson « Pour toujours ». Pour toujours. On t'écoute et puis après ça, on va reparler un petit peu. Merci. Suis la cadence à contre-temps, à contre-sens, comme toutes les modes qui passent, j'accélère et ignore l'impasse. feu de paille, vite oublié. J'essaie de déjouer le jeu de l'or à fou des demi-dieux silencieux. Organisé, mais je sens que tout va tomber. Mais on court sans trop regarder dans le ciel. Je sais qu'il y a un espace entre la mort et le temps qui passe. J'ai trouvé où m'en aller. Quand tu me prends dans tes bras, c'est comme si j'y étais déjà. Reste là, près de moi, et je sens que tout va tomber. Mais on court sans trop regarder dans le ciel, et on danse, on suit la cadence à contre-temps, à contre-sens. Je sais qu'on s'aime pour toujours, que la vie suit son cours, que la vie nous prendra de court. Je sais qu'on s'aime pour toujours, que la vie suit son cours, que la vie nous prendra de court. Et on danse, on suit la cadence à contre-temps, à contre-sens. Très, très bon travail. Merci beaucoup, merci. Jimmy Rouleau, en direct de nos studios ici à la Ville Croisière d'Assemblage Requis. La pièce Pour Toujours. Exactement. C'est ça? J'ai bien retenu le nom quand même. Oui. J'ai failli passer proche. Non, mais très, très bon. Et on a hâte de pouvoir faire jouer d'autres pièces sur nos ondes de ta part. Je continue à travailler entre les spectacles. Je m'en retourne dans le studio et j'enregistre. Mmh. Promis pour 2012, probablement le printemps. Ah! On se rapproche d'une date. On se rapproche d'une date. Une saison, c'est comme le quart d'une année. Comme ça. Donc, on rappelle le spectacle, c'est ce soir, jeudi 25 août, au Zénob à Trois-Rivières. Si vous écoutez en rediffusion samedi ou lundi, vous l'avez raté, désolé, mais quand même. Vous pouvez aller le retrouver partout où ça vous tente d'aller vous renseigner sur lui. Est-ce que t'as un site internet, quelque chose? J'ai j'ai un MySpace, MySpace/ Jimmy Rouleau, J-I-M-M-Y-R-O-U-L-E-A-U. Simple à retenir. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, merci pour la performance, merci pour tout, vraiment. À bientôt. À bientôt. Vous êtes toujours à la Ville Croisière d'Assemblage Requis. Nous, on va continuer avec un autre bloc de palmarès. Depuis le début de l'émission, on joue le palmarès dans le désordre, étant donné que celui-là dure du 1er au 28 août. Donc, on va entendre les 14e positions du côté anglophone. C'est Beastie Boys avec Too Many Rappers. Mais on débute du côté francophone avec Jean-Philippe Voici, Embarque ma belle, mais pas le Embarque ma belle que vous pensez que c'est. C'est un autre Embarque ma belle de Jean-Philippe, pas de l'autre groupe là. Chose. Gugus. Attends. C'est plus rock. Ah oui. We'll be right back.

something on your mind, let it out. Beastie Boys avec Too Many Rappers du côté anglophone. Cette pièce-là des Beastie Boys est en position numéro 14. Et avant, francophone, c'était Jean-Philippe avec Embarque ma belle qui descend d'une place, 7e semaine de présence sur l'album Le Bout du Monde. On continuera le palmarès remix tout à l'heure et on va aussi avoir dans la dernière heure, la 4e heure, à la présence de Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. J'ai très, très hâte d'entendre ce qu'elle a à nous proposer. Il y a aussi la chronique C'est un fait avec plein d'affaires et aussi à savoir. Et on devrait avoir du temps pour. Ma chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Alors restez avec nous, c'est la vie de croisière d'Assemblage Requis. Encore aujourd'hui, le garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de tirouille et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le garage Yves Gauthier, des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. Mamma mia, de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza. Toujours 2 pour 1 au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vous êtes assez fous. L'écouter. 89. Quatrième et dernière heure d'un vide croisière d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Oui, il nous reste 55 minutes environ à cette édition. Et tout à l'heure, on va parler avec Stéphanie Gagné dans quelques minutes à peine pour sa chronique Ton plat favori. Mais avant ça, on écoute une pièce du côté anglophone de nos palmarès. C'est celle de Chad Van Galen en 12e position. Voici Replace Me. Chad Van Gallen et Replace Me en position numéro 12 anglophone. On entendra la position 12 francophone tantôt, le Globe avec 77. Mais avant ça, on accueille Stéphanie Gagné pour sa chronique « Ton plat favori ». Bonjour Stéphanie. Allô. En direct de Gatineau toujours? Oui, toujours en direct de Gatineau. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu de la violence cette semaine? On se rappelle la semaine passée, là, il y avait eu des coups de feu, je sais pas quoi, derrière chez toi. Là. Ouais, il y avait une fusillade. Mais non, non, cette semaine, c'est calme. Du moins, autour de mon bloc, c'est calme. Pas de fusillade, rien. Tout est calme. Et t'es plus malade non plus? Non, enfin, il était temps, là, ma grosse bronchite de 2 semaines, pas plaisante. Ah, ben oui. C'est dommage parce que la semaine passée, on avait plein de belles histoires dégueulasses de toi avec cette affaire-là. Puis Justine, avec ses problèmes de peau, elle m'a écrit sur Facebook qu'elle avait encore des problèmes de peau cette semaine. Elle s'est brûlée dans le poil ou quelque chose du genre. Mais il va falloir attendre peut-être à la semaine prochaine, j'espère, pour entendre son histoire. C'est pas ça? Non, j'aime pas ça. Pauvre Justine. Bref, Stéphanie, si t'as pas d'histoire intéressante à nous raconter, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine? Cette semaine, comme d'habitude, j'ai 2 coups de cœur. Premièrement, tu sais comment j'aime les films que t'aimes. J'aime les années 80. Toujours. Je parle souvent des films de John Hughes. J'en ai déjà fait un plat favori quand John... Oui, exactement. Et c'est ça, j'ai pas mal écouté tous les films de John Hughes. Mais là, j'ai découvert un film qui est pas de John Hughes, mais qui est un peu dans le même style. Film des années 80, sorti en 1987, comédie romantique d'adolescent que je connaissais pas, mais que j'ai entendu parler par le film Easy A. Dans le film Easy A, où Tout pour un A, je pense. Ouais, c'est ça, c'est avec... c'est qui déjà son nom? Hein? Ah, je me rappelle pas du nom de l'actrice. Ça m'échappe. La Rousse. Oui, c'est ça, la jolie Rousse, là. Oui, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est ça, dans ce film-là, elle mentionne beaucoup de films des années 80 parce qu'elle aime bien ça puis tout ça. Puis, elle mentionne le film Can't Buy Me Love. Fait que là, je me dis, il faut que j'écoute ça. Puis là, je l'ai écouté cette semaine et j'ai tellement aimé ça, évidemment. Le personnage principal, c'est Patrick Dempsey, celui qu'on connaît surtout Grey's pour... Grey's Anatomy. Exactement, pour oui. Grey's Anatomy. Mais dans ce temps-là, il avait comme 21 ans, là, il était tout jeune encore. Uh-huh. Et c'est ça, dans le fond, c'est un film qui sonne un peu cliché. C'est un gars très... rejeté à l'école, il est très geek. Imagine, c'est Patrick Dempsey qui joue ce rôle-là, c'est crédible à mort. Ah hein? Oh oui, oh, le pire, c'est qu'il est vraiment crédible. Là. Il est vraiment arrangé. Geek. Ouais, ouais. Je t'ai dit. Puis, dans le fond, il veut vraiment être populaire pour sa dernière année à l'école, puis tout ça. Puis là, il a tondu des gazons tout l'été pour avoir assez d'argent pour acheter un télescope. Ah. Et finalement... à place de dépenser le 1 000 $ sur le télescope, il paye la capitaine des cheerleaders 1 000 $ pour qu'elle fasse semblant de sortir avec. C'est vraiment cliché, mais bon, en tout cas, dans ce temps-là, ça n'était pas cliché, c'était comme une première, probablement, oui, de ce genre vrai. De film-là. Et c'est ça, fait que là, il devient super populaire, puis finalement, il oublie la fille complètement, puis lui, son seul but, c'est d'être populaire. Fait que là, elle a Stan. Finalement, il se laisse après un mois, qui était leur entente. Fait que il se laisse. Puis après ça, lui, il continue à se tenir avec la clique populaire. Puis il se promène de fille en fille. Puis il commence à être vraiment méchant. Il rejette ses amis, ses anciens amis geeks. Puis tout ça. Puis évidemment, le film continue. Ça finit bien. Puis c'est super cute. Sûrement, sûrement. Mais tu parlais d'Easy A tantôt et ça revient un petit peu rejoindre le même genre de scénario. C'est peut-être pour ça qu'elle fait référence à ça, parce que l'histoire d'Easy A, c'est pas une fille genre qui se fie sur les rumeurs à l'école pour avancer son statut social. Genre, elle laisse les gens dire qu'elle a fait des affaires avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle mentionne pas juste celui-là, elle en mentionne une couple parce que elle aussi, le personnage dans le film, aime beaucoup les films des années 80. Puis elle dit, ah, pourquoi ça peut pas être aussi beau, aussi romantique et aussi cute que les films années 80, comme, mettons, elle mentionne aussi Ferris Bueller's Day Off, ouais. Qui est un film hilarant de John Hughes, très drôle. C'est ça, parce que tu disais John Hughes, mais les gens ne savent pas nécessairement. Il avait fait quoi aussi? C'était pas 16 Candles, non? 16 Candles, Breakfast Pretty Club. In Pink. Le plus connu qu'il a fait dans les années 80, c'est certainement Breakfast Club, qui est vraiment un classique des années 80. Mais dans les films plus récents pour nous, il a fait Beethoven, qui a aussi fait « Maman, j'ai raté l'avion ». Est-ce qu'il a fait les 15 suites de chaque aussi, non? Non, je pense pas. Je pense qu'il en a juste fait deux Beethoven. Puis un ou deux « Maman, j'ai raté l'avion ». Avant que ça devienne même plus le même gars et même plus la même famille, mais supposément le même rôle, mais c'est ça. C'est étrange, ça. Ouais, le recasting, je suis pas fan de ça. Moi, est-ce que t'aimes les séries qui remplacent l'acteur, mais que le rôle est le même, fait que là, faut que tu t'habitues, tu sais. Oh non, je déteste. Non. Là, tu vas me trouver hyper pathétique, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais un soap américain avec ma mère, General Hospital. Ah. Puis, à un moment donné, ils ont changé un personnage assez principal. Ils ont changé l'actrice, puis j'ai complètement décroché. J'ai arrêté d'écouter l'émission. Ouais. Hey, ils ont fait ça dans Watatata, à un moment donné, hein. Je sais pas, je suis pas assez Kéten pour écouter Watatata, je pense. Moi, je t'ai pas insulté quand t'as dit tu vas me trouver Kéten, toi par exemple, tu sais, non, mais. C'est une blague, il y a tellement de monde qui a écouté Watatata, je vais être la seule qui écoutait pas ça. En tout cas, je vais l'accepter pour ce coup-ci, mais fais attention. Fait que c'était mon premier coup de cœur, mais quand même, je suis pas assez sadique pour faire jouer une chanson de ce film-là, étant donné que c'est. Ultra Kéten. Ça t'a jamais empêché. Non, ça s'appelle Can't Buy Me Love. Donc, la chanson, c'est les Beatles avec Can't Buy Me Love. Okay. Ouais. Et c'est ça. Fait que non, je vous ferai pas écouter ça, mais il y a une autre chanson que, en fait, ça fait des mois que je trie sur cette chanson-là parce qu'ils l'ont faite dans le Glee. Ouh! Ah, Glee, il fallait revenir à ça, hein? Oui, c'est ça, il fallait revenir à ça. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, je pense. Exact. Fait que c'est ça, ils ont fait une reprise d'une chanson de Amy Winehouse. C'est difficile de parler par-dessus toi parce qu'il y a un délai énorme par téléphone, c'est plate, hein? J'essayais de dire quelque chose. Moi, ça coupe, fait que des fois, je t'entends pas. Et Colin. La technologie de 2011 avec un vieux téléphone des années 80, c'est toujours ça. Donc, Vas-y. Bon, donc, c'est ça, une chanson qu'ils ont faite dans Glee, une chanson de Mark Ronson et Amy Winehouse. En fait, Amy Winehouse a fait la chanson sans Mark Ronson, seulement sur l'édition deluxe de son dernier album Back to Black en 2006. Mais l'édition deluxe est sortie un peu plus tard, tandis que Mark Ronson il a fait un remix de cette chanson-là dans son album Virgin en 2007. Et c'est vraiment une super bonne chanson. Je trouve qu'elle est super de bonne humeur. Je l'aime bien. Bon, c'est tant mieux. Et même si ça n'a absolument rien à voir avec elle, je vais quand même dédier cette chanson-là à Emma Stone parce qu'elle est belle, tu sais. Ah, je suis bien d'accord. J'ai vu un film avec elle récemment au cinéma, Crazy Stupid Love. Ouais. C'était vraiment super bon. Ah! Quelle future énorme vedette à devenir. Je pense que c'est déjà commencé pas mal. Donc, voilà. Amy Winehouse avec Mark Ronson. Ou le contraire, oui. C'est comme un peu, c'est ce que c'est, le contraire, c'est ça? Comme plus Mark Ronson featuring ou non? Ouais, peu importe. C'est tout le monde featuring tout le monde. Bon, tout le monde featuring tout le monde avec la pièce Valerie, c'est un genre de remix, ça sonne remix en tout cas, c'est ça? Ouais, c'est un remix. D'accord, on écoute ça et puis on te dit à la semaine prochaine, c'est bien ça? Oui, à la semaine prochaine. Pour une autre chronique, ton plat favori. Merci Stéphanie. Bye bye. Bye bye. Oh. Amy Winehouse et Mark Ronson featuring tout le monde, de tout le monde qui se feature l'un l'autre là. Avec la pièce Valerie, c'était dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné qu'on remercie encore une fois. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec moi-même Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret qui est en congé cette semaine et va être de retour la semaine prochaine. Voici la chronique C'est un feu. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables de la vie. On apprend des choses comme on devrait le faire. C'est ça la vie, c'est un périple d'apprentissage, si on veut. Commençons par le symbole arrobas. Vous le connaissez, le A dans un rond. Là. Je pense que j'ai pas à vous enseigner ça en 2011. Là. Mais le symbole A commercial a été utilisé pour la première fois dans le premier courriel du monde. En fait, le symbole a été utilisé d'autres fois que ça, mais utilisé la première fois dans un courriel, mettons, par Ray Tomlinson en 1971. Son courriel disait QWERTY UUP, donc QWERTYUUP, la première rangée de lettres sur un clavier. Donc, le symbole à commercial est utilisé dans le premier courriel du monde. Voilà. Les cornflakes de Kellogg's, tu sais, les boîtes sont rouges, vertes et blanches. Pourquoi? Ben, c'est à cause du drapeau national flamand, Welsh. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Vous allez voir le drapeau à ces mêmes couleurs-là que la boîte de Kellogg's Corn Flakes. Haagen-Dazs. Hein, je vous ai agacé avec ça tantôt. Je vous disais qu'à Haagen-Dazs, il y avait une circonstance bizarre derrière ça. Je vous demandais de deviner d'où ça vient le nom Haagen-Dazs. Eh bien, en fait, surprenant, ça a été créé aux États-Unis, la compagnie Haagen-Dazs, oui, avec un nom qui était fait exprès pour avoir l'air le plus scandinave possible, avec même un dessin du Danemark sur le pot, le plat, le pot, le truc de crème glacée Haagen-Dazs. Donc, c'est une attrape nigo complètement. Ça a été fait aux États-Unis, cette marque-là. Haagen-Dazs. Ouais. Dit comme ça, c'était encore plus beau, je trouve. Un autre mot qui se dit drôlement caribou. Caribou. Hein? C'est dérivé ça, d'un mot indien, Micmac. D'accord? Un mot indien, Micmac, pas le mot indien, Micmac. Bref, un mot qui veut dire pelleteur de neige. Caribou, pelleteur de neige. Pourquoi? Aucune idée, mais c'est comme ça, caribou. Les êtres humains, les gens comme vous et moi, là, j'espère en tout cas, comme vous et moi, qui ne mangent que de la viande, en un an, cette personne-là qui mangerait que de la viande va mourir. Va mourir. Justement, tu sais, on dit ça, les êtres humains qui mangent que de la viande vont mourir à l'intérieur d'une année, à moins qu'ils mangent le contenu, l'intérieur des estomacs de ces animaux-là par le famine. Donc la viande et l'intérieur de l'estomac. C'est la seule raison de survivre si on ne mange que des parties d'animaux. Mais ce qui me surprend, c'est que Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, etc., on avait lu un fait récemment sur le fait que cette année, il a pris comme résolution de manger que de la nourriture qu'il tue lui-même. Donc, Mark Zuckerberg tue sa nourriture, après ça, l'envoie à un chef reconnu, et après ça, se fait renvoyer ça par la poste et mange ça. J'espère qu'il ne mange pas que de la viande, parce que dans un an, il va être mort. C'est ce que ce fait-là dit. Bon. Plus de 100 000 téléphones cellulaires sont échappés dans les toilettes en Grande-Bretagne à chaque année. 100 000 téléphones cellulaires dans les toilettes. Eh ben. Parlant de toilettes, un endroit qui en a et qui est très fier de les laver très fréquemment, j'en suis certain. Le premier gérant du premier McDonald's du monde. Écoutez bien ça, le premier gérant du premier McDonald's du monde s'appelait Ed McLucky. McChanceux. Hey, le gars s'appelle McChanceux puis il est gérant de McDonald's. Tu parles d'une coïncidence, toi. Ou encore, il était engagé juste pour ça, pour pouvoir faire un fait plusieurs années plus tard. Les 33 000 branches, on reste dans le domaine du McDonald's. Les 33 000 branches de McDonald's partout dans le monde ont ramassé, ont récolté en termes de profit 24 milliards de dollars l'année passée, en 2010. 33 000 branches de McDonald's, 24 milliards de dollars par année. On reste dans pas vraiment le même domaine parce que je crois que McDonald's est associé avec Coke seulement. Oui, c'est vrai. Coke, ci et ça, donc Sprite, etc. Mais là, on parle de 7-Up, ce qui est comme le Sprite de Pepsi. 7-Up a été marketé pour la première fois, donc vendu en tant que cure de lendemain de veille pendant la prohibition. Si la prohibition empêchait la circulation ou la vente d'alcool aux États-Unis. Ils vendaient le 7-Up comme cure de lendemain de veille. Ça contient ce qu'on appelle un stabiliseur d'humeur. Stabilisant d'humeur, en tout cas, peu importe. Là. Ça stabilise l'humeur, bref. Le lithium à l'intérieur du 7-Up. C'était une cure pendant l'ère de la prohibition. Parce que pendant la prohibition, on avait fait un fait là-dessus. Et je me rappelle même pas de ce fait-là. J'écoute même pas mes faits, mais je dois être sous. Oh non. On avait le droit de posséder de l'alcool. On avait juste pas le droit de l'acheter ou de la vendre, quelque chose de genre. Donc, il y avait des gens qui avaient quand même de l'alcool pendant ce temps-là. Donc, on pouvait utiliser du 7-Up pour se remettre de l'homme d'un veille. Bon. Étrange fait. Et là, Pas grand détail. Il y a un article, si vous voulez aller le lire, là, il y a un article. Mais on dit que la couleur mauve a été découverte par accident par un garçon de 18 ans. Un gars de 18 ans qui faisait des mélanges, je sais pas trop comment il est arrivé à ça, mais il a découvert le mauve, une certaine teinte de mauve. Donc, un gars de 18 ans qui a découvert ça. Maintenant, parlons d'une nouvelle très proche de ma vie à moi-même. Je vais détailler des détails de ma vie en ce moment, à la radio, live, seul en studio. Je fais genre 6 pieds 2-3 peut-être, mettons 6 pieds 2-3. Ma copine fait genre, mettons 5 pieds, elle dit 5 pieds, mais c'est peut-être 4 pieds 11, bon, mettons. Fait que tu sais, différence de grandeur, des fois tu te fais remarquer, les gens en parlent, bon, tu sais. Aussitôt qu'un couple a quelque chose de différent l'un de l'autre, ça va tout le temps faire parler les gens. T'sais. C'est comme ça, vous le savez peut-être si vous avez vous aussi un couple hors norme, entre guillemets. Bref, le fait que je veux vous dire ici, Shaq, tu sais, Shaq, Shaquille O'Neal, le joueur de basket, hein, fait 2 pieds de plus que sa copine. 2 pieds, hein? Assez clair en regardant la photo sur assemblagerequis.com, mais Shaquille O'Neal, on pourrait entrer, c'est très bien dit dans l'article, on pourrait rentrer trois de ses copines à l'intérieur de lui-même. C'est une très belle image d'ailleurs. Donc, Shaq fait 7 pieds 11, pèse 300 livres, on l'appelle le Big Diesel, qui est 3 fois plus lourd et presque 2 pieds plus grand que sa copine, Nicole Hoops Alexander. Autre le fait qu'ils font aucune grande différence de grandeur. Bon, Alexander, la fille, là, Nicole Alexander, est reconnue pour avoir joué dans des émissions de télé-réalité. Peut-être que vous la connaissez des émissions Porsche, tu sais, qui jouent à Musique Plus entre, avant et après les bonnes émissions de musique. Tu sais, les émissions de, en tout cas, entre ça. Par exemple, Flavor of Love et I Love Money, des séries de VH1. Donc, on reconnaît Nicole Hoops Alexander, qui fait 5 pieds 2, 100 livres. Et est mariée à ce Big Diesel lui-même, Shaquille O'Neal. C'est joli à voir. La photo, encore une fois, sur assemblagerequis.com dans la section « C'est un fait ». Une femme étrange. Une femme a gagné la loterie 4 fois. Joan R. Ginther a gagné 4 différents jackpots de plusieurs millions de dollars chaque dans sa vie. Les chances que ça arrive sont de 1 dans 18 septillions, c'est-à-dire 18 avec 24 zéros après. Quelque chose qui devrait arriver naturellement une fois par quadrillion d'années. Mais ce qui est plus étrange encore, c'est que Ginther a plus que de la chance de son côté parce qu'elle était anciennement professeure à l'université Stanford avec un diplôme de statistique. Est-ce que c'est un doctorat ou en tout cas un bac, peu importe comment vous voulez appeler ça. Donc présentement, elle vit à Las Vegas et à chaque fois qu'elle a gagné la loterie, elle était au Texas. Donc, une autre super add-on. Il y a une spéculation qui dit qu'elle a trouvé un algorithme pour déterminer où sont les billets gagnants. J'ai de légers doutes. Je suis pas sûr que tu puisses calculer ce genre de choses-là en tant que tel. À moins que... je sais pas. Peut-être qu'ils divisent le nombre de billets par le nombre d'habitants dans chaque ville. Peut-être. Ça se peut. C'est possible. Il y en a qui disent qu'elle a peut-être des sources à l'intérieur de la loterie. Donc, dans le fond, des gens qui pourraient l'aider à trouver sa formule. Aussi, on dit que 1 sur 17, 18 septillions, là, ce qu'on avait dit en début de nouvelle ici, c'est si elle avait seulement joué à la loterie 4 fois. La chance de 1 sur 18 septillions, c'est seulement si elle avait joué 4 fois en tout. Mais elle n'a certainement pas joué 4 fois en tout. Elle doit jouer à chaque semaine pour réussir à gagner. On peut s'imaginer. Donc, la chance elle serait peut-être moins impressionnante que 18 avec 24 zéros. On dit que t'as pas besoin de grands orteils pour te lever debout. C'est un mythe. Tu sais, on se dit, bon, tu sais, les gens, je sais pas, dans la guerre ou peu importe, là, tu sais, je sais pas, tu piles sur une mine, je sais pas, qui pourrait arriver que tu pourrais perdre un orteil et que ça t'empêcherait de tenir debout, mais c'est un mythe. Perdre un grand orteil ne te rendra pas handicapé, ça va pas t'empêcher de courir ni de te lever. Donc, on dit que le grand orteil, je pense que c'est un T qu'il faut associer là, dans ce cas-là. Transformer le D en T. Bon. Supporte 40% du poids de ton corps sur ton gros orteil quand tu marches. Bon, c'est ce que je comprends de l'article. Par contre, avec de la thérapie et de la pratique, les gens peuvent apprendre à fonctionner sans leur grand orteil. Leur grand orteil, oui, grands orteils, c'en a deux. Courir avec 9 orteils serait beaucoup moins efficace, nous dit-on. Et le pas, dans le fond, la distance que tu vas faire avec un seul pas est beaucoup moins grande. Mais finalement, tes pieds vont développer d'autres muscles pour compenser la perte des grands... puis là, on a le gros orteil. Je pense qu'en général, le monde dit gros orteil. Ça se dit tellement mieux, d'autres pour ça. Une raison pour la popularité de ce mythe-là, c'est les standards médicaux de l'armée militaire américaine. Certains gens qui voulaient pas se faire envoyer à la guerre du Vietnam ont réussi à se retirer du service en enlevant eux-mêmes leurs propres orteils de leurs propres pieds. T'imagines comment ça doit être difficile? Non. Juste en parler, de la misère à dire ça. Bref, même aujourd'hui, le département de la défense américaine rejette des gens basés sur l'absence de pied ou d'une portion de pied. Donc encore aujourd'hui, c'est la règle. Un autre fait amusant, nous dit-on dans l'article, c'est que la première prothèse connue D'accord? Pour un membre du corps, là. C'était une femme égyptienne qui s'est fait remplacer le gros orteil par un orteil de bois. C'était en 1000 ans BC. Là. BC, c'est-tu avant ou après? Je me rappelle jamais. Peu importe. Peu importe, moi et l'histoire, hein, j'ai poché ça. Si on dit que qu'il va y avoir moins de... Là, on change de sujet, évidemment, ici. Hein? Il me semble que j'ai pas prêt à cette pause. T'sais. Ah, bon. Normalement, j'aurais quelqu'un pour réagir. Ça serait super le fun. Ah, salut, ça va, Maria? Bon. Donc, si on dit qu'il va y avoir moins de 12 parties qui vont être remises à plus tard à cause de pluie, d'accord? Donc, il y en aurait moins que 12, si on imagine ça. Major League Baseball, la Ligue majeure de baseball, va jouer sa 200 millième partie le 24 septembre 2011. Dans moins d'un mois, 200 000 parties de la Major League Baseball. Eh bien. Il nous en reste deux derniers rapides. Commençons avec celui-ci. On dit que s'il y a des gens... OK, une nouvelle recherche. OK, une recherche là, vraiment exhaustive, j'imagine, et très, très nécessaire, là, qui montre que... avoir des gens cute autour de toi, des gens hot, des belles personnes autour de toi quand tu magasines, va te faire dépenser moins. D'accord? Donc, la recherche dit que tu vas te sentir malheureux à propos de ta propre situation, à propos de ton propre corps. Si pendant que tu essaies un nouveau vêtement dans un magasin, tu vois quelqu'un de joli porter le même vêtement que toi. Tu sais, mettons, les deux essayent la même affaire, la même jupe, le même top, etc. Et là, tu vois l'autre personne qui est beaucoup plus belle que toi, selon ta propre opinion. Tu vas pas l'acheter, peut-être. C'est ce que cette recherche montre. C'est le fun, hein? Bel argent à dépenser pour savoir ça. J'adore. Et on termine avec les espions britanniques qui prévoyaient, et c'est vraiment drôle ça, prévoyaient de féminiser Hitler en mettant de l'estrogène dans sa nourriture. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des agents undercover, d'accord, donc incognito, bien dans ma peau, etc. Pourquoi quand je suis seul, je chante? Je fais jamais ça, en tout cas. Bref, les agents undercover travaillaient pour le Royaume-Uni. Ils étaient très, très près d'Hitler et ils avaient accès à chacun de ses repas. Donc, ils ont pensé, évidemment, empoisonner le chef des nazis. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on connaît tous cette règle-là. Les dictateurs ceux qui pensent qu'ils vont être empoisonnés un jour font goûter leur nourriture par des goûteurs. C'est bon. Donc, eux, ils savaient que s'ils mettaient du poison dans les plats, ils devraient le manger, ils tomberaient morts eux-mêmes. C'est pas très, très winner. T'sais. Donc, à la place, ils ont pris la nourriture du fourreur, d'accord? Et ils ont mis donc des hormones sexuelles féminines dans ses plats, dans sa nourriture. Donc, l'estrogène, on trouvait que c'était l'alternative idéale parce que ça goûte rien. Son effet est très, très... Ben, pas très, très... Mettons très lent. Juste un peu lent. Ça prend du temps avant que ça se fasse... Avant que ça se... Que ce soit remarquable chez la personne. L'estrogène, bon, on va peut-être te faire, je sais pas, pousser les seins, etc. Peut-être que tu n'auras pas autant de poils à certains endroits. Des trucs comme ça. Bref, l'estrogène n'aurait pas été remarqué rapidement par Hitler lui-même. Les rebelles espéraient que les hormones allaient donner à Hitler un comportement moins agressif. Un peu comme sa plus jeune sœur, Paula. Paula était très, très, très gentille. Paula Hitler. Polly H. Elle était très gentille, donc ils espéraient faire la même chose avec le fourrat. Le plan, par contre, n'a jamais pris vie, si on veut, n'a jamais eu lieu. Même chose pour plein d'autres scénarios qu'ils avaient, comme mettre... qu'est-ce que ça dit? Mettre de la colle sur les forces nazies pour les faire coller au sol. Les forces nazies auraient collé au sol. Ben oui, super bon plan. Cacher des explosifs dans des fruits allemands. Et lâcher des boîtes de serpents venimeux sur les ennemis soldats, les soldats ennemis. Eh bien, Deuxième Guerre mondiale, remplie de péripéties, ça. J'aime ça. J'aime pas ça du tout, en fait. J'efface cette parole-là, j'aime pas ça du tout, la guerre. Là. Mais l'idée en tant que telle, je la trouve semi-intelligente. Calmer Hitler en faisant prendre de l'estrogène. C'est bizarre. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Il nous reste une dernière chronique dans l'émission d'aujourd'hui. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, que je vais faire d'ici les 25 dernières minutes, parce que c'est le temps qui nous reste à l'émission. Et comme vous le savez, quand je me mets à parler, ça prend du temps. Comme là, on vient de passer 14 minutes à faire des faits. Mais c'était intéressant quand même, j'espère, pour vous. Est-ce qu'on était rendu? On va l'entendre une prochaine pièce, tiens, pourquoi pas. C'est celle... on retourne dans le palmarès, en passant, juste pour vous dire. On est rendu dans le palmarès remix au 9e position. On joue les pièces dans le désordre cette semaine. Du côté anglophone, oui, c'est Gorillaz avec Revolving Doors. Mon début en 9e francophone. Voici Malajubi et Sansu. Sur C'est fou 89.1 FM, c'est pas celle-là du tout. C'est celle-là. Le début était bon, j'aurais envie de l'écouter. Mais non, c'est celle-là qu'on écoute. Et bon, je l'ai aussi. Oh. Tout le monde va l'apprécier que vous ayez de l'estrogène ou pas. Ça veut rien dire, ça. Carrément sans trop lourd. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 9. Revolving Doors de Gorillaz sur leur album The Fall. La vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Il nous reste une quinzaine de minutes ensemble. Le gars veut parler tellement vite que tous les mots sont en même temps. C'est l'heure de la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Hein? Parler de beaucoup de mots ensemble, c'est ça. La chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, qui devrait théoriquement s'appeler « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a », si on voulait dire tous les mots. Mais bon. Commençons avec un gadget qui règle un problème que vous avez tous. Vous regardez la télé, il y a tout le temps de mentions, tout le temps la même personne. Tu sais, je sais pas, ça parle tout le temps de rock voisine à la télé. Tannant, ça veut, tu veux pas, ou des magazines, peu importe. Mais là, ici, on parle de télé. C'est une télécommande faite maison par Matt Richardson, qui devait être tanné d'entendre tout plein de choses à la télé qu'il aimait pas. Charlie Sheen, par exemple. Donc, son gadget s'appelle Enough Already, qui fonctionne en décodant les sous-titres des émissions. C'est les sous-titres codés qu'il y a à l'intérieur des émissions, pas mal partout sur toutes les chaînes. Qui cherche des mots préprogrammés sur une liste noire, une blacklist. Donc, quand ces mots sont détectés là, ça envoie une commande à travers la télécommande, l'appareil, pour faire mute sur la télévision pendant 30 secondes. Ou en tout cas, aussi longtemps que le mot n'est pas mentionné à la télé. C'est une bonne idée, non? T'es tanné d'entendre quelque chose, mais tu te fabriques ça. Je sais pas comment tu vas faire pour... Bon, il y a une vidéo, si vous voulez voir comment ça fonctionne. C'est le Enough Already de Matt Richardson. Ensuite, prochain problème, vous faites un barbecue. Vous avez plein d'invités, mais les boulettes de viande, là, il faut que chacun a besoin de sa boulette de viande, de la température exacte, de la forme exacte. Et là, t'as de la misère, t'es tout mêlé, tu sais plus quelle boulette va à qui. Il te faut ce petit gadget-là qui est un genre de fer marqueur, un peu comme sur les vaches, là, quand tu sais, mais pour tes boulettes de barbecue. Donc, interchangeable, ça vient avec toutes les lettres de l'alphabet, plusieurs copies, j'imagine, de chaque lettre. Donc, tu peux faire ton propre mot que tu veux, mettre ça bien au chaud, et puis après ça, chouin, si tu viens étamper les boulettes de viande. Ça coûte 17$ chez ThinkGeek. Excellente idée pour plein de raisons, je suis sûr. Une autre affaire, tiens, vous êtes en appartement. Et vous n'avez pas le droit d'avoir de barbecue. C'est connu, quand t'es plus qu'au deuxième étage, si t'as un toit à ton balcon, t'as pas le droit d'avoir de barbecue. Bon, c'est évident. Personne ne fait. J'ai jamais vu du tout de barbecue sur le deuxième étage. Jamais. Donc, ici, ce que tu reçois quand tu achètes ce truc-là, c'est un genre de rack à fleurs, si on veut. Tu as des pots de fleurs un peu, ça ressemble à ça. Tu t'accroches ça sur ta galerie. Mais c'est un grill, un charcoal. C'est super. Hein? Donc, tu peux faire cuire ta viande là-dessus, ça paraît pas, à part le fait qu'il y a plein de fumée qui sort de ton appartement. Ça a l'air bien normal. Et quand ton concierge ou ton propriétaire arrive, ben, tu as juste à mettre une plante dedans. T'sais. Ça règle le problème. Balcony Barbecue, c'est le nom du produit. Ensuite, tu as besoin de mesurer quelque chose, mais un tape normal, tu te fais mal au doigt. Tu sais, tu te fais mal au doigt quand le tape rembobine dans le show, tu te pinces le doigt ou je sais pas, tu te coupes dessus, puis là, tu as plein de problèmes avec ça, tu sais plus quoi faire. Il faut que tu achètes le Smart String Tape Measure, qui est ça ressemble à une calculatrice un peu, et dedans, il y a une ficelle, un fil qui peut tenir jusqu'à 20 livres. Et ça peut mesurer jusqu'à... tu peux même garder en mémoire les mesures. Les mesures en mémoire, ça peut, comme je disais, 20 livres de poids, 50 pouces de longueur de corde. Et puis là, ça va te montrer ça sur un petit écran, comme une calculatrice, ça va te montrer l'écran. Et tu peux même traduire de pouces à millimètres instantanément sur la machine. Et ça coûte seulement 12$. Donc le Smart String qui va venir remplacer votre tape à mesurer. Prochain problème, vous aimez les vinyles, vous êtes de retour à la mode vinyle, comme tout le monde. Là, tout le monde aime les vinyles en ce moment. Mais par contre, vous n'avez pas assez de place sur votre bureau ou sur votre table. Ou n'importe où, sur n'importe quelle surface. Donc, à la place, t'achètes ce Ion IT27 Vertical Vinyl Wall Mounted Turntable, un nom très, très catchy. C'est vraiment littéralement un lecteur de vinyle, un tourne-disque, finalement, qui va à la verticale accroché sur un mur. Et là, vous vous dites, mais Colin, comment est-ce que ça va faire pour jouer un disque? Ben, par magie, probablement, parce que ça tient, c'est comme ça, c'est fait pour ça. Ça joue des 33 tours et des 45 tours. À l'intérieur, il y a des haut-parleurs de 5 watts inclus dans la machine. Contrôle de volume, ça se montre, c'est super beau sur votre mur. Ion est la compagnie qui fabrique ça, ION. C'est le IT27 Vertical Vinyl Wall Mounted Turntable qui a l'air de défier la gravité. Prochain gadget, dans ce cas-ci, vous avez des notes à donner à votre collègue de travail. Vous voulez lui laisser une note, je sais pas, faites telle affaire. Bon, vous savez ce que c'est au bureau, faites telle affaire, vous t'en faire telle affaire au bureau, tout le temps de même. C'est des dang on, c'est des messages pour clavier d'ordinateur. Tu sais, parce que bon, t'arrives, tu mets, t'écris un post-it, bon, là, tu le mets dans le clavier de la personne, là, ça tombe, ça arrête pas, c'est fatigant. À la place, ils te fournissent des petits animaux post-it, pliés, autopliés, genre déjà pré-pliés, collés en bas, donc tu peux coller ça sur les touches. Je suis vraiment pas sûr qu'on avait besoin d'un domaine, d'un marché pour ça, genre, que ça allait être comme une nouvelle mode d'avoir des notes à coller sur un clavier d'ordinateur. Je pensais que n'importe quel papier faisait, mais bon, si ça vous intéresse, ça existe. Ça dit pas le prix, mais ça existe. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Parlant de bureau, tiens, vous voulez, quand vous quittez votre ordinateur, vous voulez absolument qu'il y ait en veille, mais vous êtes trop paresseux pour faire, bon, sur le Mac, tu peux faire Command-Alt-Eject, si vous voulez le retenir, là, pour ceux qui ont un Mac, Command-Alt-Eject, hein, ça va mettre en veille votre ordinateur, tu sais. Sur Windows, c'est genre touche Windows L pour barrer l'ordinateur, mais bref, vous êtes trop paresseux pour ça, et trop tête en l'air, mettons. Donc, c'est le Screen Keeper que tu colles sur... tu colles un côté sur ton ordinateur sur... je sais pas, c'est quoi? Est-ce que c'est une prise USB? C'est un récepteur USB, exactement. Donc, un récepteur USB dans l'ordinateur et l'autre, un petit gadget que tu mets dans ta poche. D'accord? Tu le mènes avec toi. Donc, tu peux ajuster la distance que ça va auto-barrer ton ordinateur. Donc, aussitôt que l'ordinateur va détecter par la prise USB ton petit gadget que tu as dans ta poche qui est trop loin de l'ordinateur, ça va automatiquement barrer. Et le gadget est super cute, même si ça va être dans ta poche. Ça a l'air d'être cute quand même. Bonne idée. Je trouve ça quand même bien. Un autre gadget que j'avais vu dans le temps, ça fait très longtemps de ça, mais que j'aimais encore plus que ça, c'est un gadget, un bracelet Évidemment, je ne suis pas très bracelet, mais bon. Tu mets le bracelet et ça t'alertait quand tu dépassais par Bluetooth là, ton téléphone. Mettons, tu oublies ton téléphone à quelque part, tu dépasses une certaine distance, ça t'avertissait. Comme ça, tu n'oublies pas ton téléphone à la maison. Je trouvais ça vraiment bien. Mais pour l'ordinateur, c'est le même principe. C'est très, très bien aussi. Les Shredzers, drôle de jeu de mots, pas sûr que c'est vraiment le mot approprié, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, les Shredzers. C'est des shredding scissors, si on veut, des ciseaux à déchiqueter. Très, très bonne idée. C'est 9 paires de ciseaux vissés ensemble, littéralement, qu'on peut utiliser d'un coup pour réduire un document en morceaux. Tu sais, t'as pas de machine, nous, à la maison, tu sais, quand on veut jeter quelque chose, on met ça dans un petit sac de plastique qu'on amènera plus tard chez la mère à ma blonde, qui a un déchiqueteur, tu sais. C'est long, c'est plate, c'est pas beau dans la cuisine d'avoir un sac de... Tu sais, achète, tu sais, les Shredzers. Vraiment pas sûr du nom, mais bon. Ça coûte 20$ via Red Ferret, si ça vous intéresse. Ne pas confondre avec des ciseaux ordinaires, ça pourrait causer multiples blessures. Hein? Voilà. Un siège d'auto réfrigéré à l'eau. Il s'agit d'un dispositif composé d'un coussin et d'un petit moteur qui fait circuler de l'eau fraîche entre votre siège et vous. Hein? On dit que le système est assez efficace pour réduire la température de surface du siège de quelques 30 degrés en 5 secondes, tout en laissant votre climatiseur, qui prend plein d'énergie, coûte plein cher de batterie, je sais pas quoi, de quoi ça coûte ces affaires-là, mais bon. Ça coûte 225$ le truc, le siège refroidi à l'eau, c'est disponible sur Internet. L'article est sur assemblagerequis.com. Celui-là n'est pas un gadget, mais je tenais à en parler quand même. C'est un lecteur USB, un disque dur externe de 1 Teraoctet rempli d'un million de dollars de films piratés, de plein d'autres affaires piratées. Est-ce que c'est un million ou un milliard, en tout cas? Un gros montant de matériel piraté et c'est supposément de l'art. Parce que, tu sais, on peut dire que n'importe quoi est de l'art de nos jours. Donc, allez voir la photo pour voir, vous, si vous trouvez que c'est de l'art, un disque dur rempli de millions de dollars de fichiers piratés. Étrange. Le Nap Messaging Bed Rest. Très simple, vous êtes dans le lit. OK? Problème, d'accord? Vous êtes dans le lit. Vous voulez lire, mais là, mettre les oreillers sur le mur, tu sais, debout, c'est comme pas super confortable. T'as comme pas de place à côté de tes bras, pas de place pour mettre ton café, pas de place pour mettre un livre, pas de place pour avoir une lampe. Ben, voilà un produit qui vient tout régler ces problèmes-là. C'est littéralement un siège qui ressemble un petit peu à un siège de voiture, avec deux accotoirs, un trou pour mettre des affaires, mettons. L'autre côté, tu peux mettre ta tasse de café, un rack sur le côté pour mettre un livre, une petite lampe sur le chose pour accoter ta tête. C'est super, non? Très bonne idée. Aussi, tu pourrais juste aller t'asseoir dans une chaise. L'un ou l'autre, c'est comme tu veux. Cardstick décal, tiens. Ça, c'est une moyenne bonne idée. C'est pas si pire. Pas si pire idée, mettons. T'sais, je vais tempérer mes propos. C'est un autocollant que tu colles. C'est peut-être 1 cm, mettons, de largeur, mettons, par la longueur d'une carte de crédit. Donc, tu colles ce collant-là sur ta carte de crédit et automatiquement, ta carte devient une règle ou un tape. Tu sais, tantôt, on parlait de tape à mesurer en corde. Bien, encore plus pratique, tu as une carte de crédit, tu mets ce collant-là dessus et là, automatiquement, ça devient une règle. Problème réglé. Génial. 4$ pour 3. Wow, tu sais, wow. Littéralement. Rapidement, l'émission est presque terminée. Un parapluie qui ressemble à une bouteille de vin. Parce que tu sais, tu transportes ça, tu veux pas avoir l'air de transporter ton parapluie. Tu sais, les parapluies, tu sais, c'est pour les gens faits en chocolat, genre. Tu veux avoir l'air de transporter une bouteille de vin quand il pleut pas, donc c'est ça. C'est le principe de la chose. Et l'autre, un autre parapluie qui, lui, à la place d'avoir une poignée, c'est un fusil à l'eau. Non, vraiment, très très bonne idée. Donc, l'eau tombe dans le parapluie. Il y a comme un genre de récipient, je sais pas trop quoi, qui vient mettre de l'eau dans ton fusil. Et puis là, tu peux shooter à l'eau. Allô, tu te fais comme allô? Allô, tu sais, c'est comme un jeu de mots. Allô. Bon. Il est temps qu'on finisse. Hein. Une machine pour faire des glaces rondes, parce qu'apparemment que les glaces rondes, c'est meilleur, ça dure plus longtemps, c'est mieux pour tout le monde. Cette machine-là coûte 800$ pour faire des boules de glace ronde. C'est vraiment magique. Allez voir l'article. Deux articles sur la pâte à dents. Donc, une machine qui est littéralement faite pour gober ton tube de dentifrice. Ça coûte 300$. C'est fait en chrome, là, super plaqué, je sais pas trop quoi. Fabriqué en Italie, fait à la main. Tu mets ton tube de pâte à dents et ça va l'arranger pour que ta pâte à dents soit toute au bout où il y a le bouchon. C'est pour, comme je disais, 300$. Alors que l'autre coûte beaucoup moins cher. En fait, il n'y a pas de prix, mais j'imagine que ça ne doit pas coûter plus que 5$. Là. C'est une brosse à dents avec à l'intérieur une petite fente. Donc, tu rentres ton tube par le côté où il n'y a pas de bouchon. Tu tires sur ta brosse à dents et ça amène... Ça, c'est une bonne invention. Ça, j'en achèterais une. Parce que tu sais, combien de fois dans la vie est-ce que j'ai mis mon tube de pâte à dents sur le comptoir avec ma brosse à dents dessus pour essayer de faire sortir la pâte. Bon. Le Beanock. Drôle de nom pour ça, mais c'est un mélange entre un hamac et un beanbag. Tu sais, les sacs de petits pois là, tu sais, qu'on retrouvait dans les années 90 dans la chambre des enfants. où tu pouvais t'évacher dessus. Et bien là, c'est une combinaison. C'est comme avec des chaînes. C'est comme un bean bag avec des chaînes que tu attaches, puis ça devient un hamac. Excellente idée. Moi, celui-là, j'en voudrais au moins deux chez nous. Ça supporte des poids qui vont jusqu'à 440 livres. Ça coûte 284 $ pour le petit modèle et 568 $ pour le plus gros modèle. Allez voir les infos sur assemblagerequis.com. Et finalement, un crayon plomb qui, à la place d'avoir du plomb autour, pas du plomb, du bois autour pour faire le crayon en tant que tel. Le bois sert à rien, on s'entend, à part pour être aiguisé. À la place, c'est remplacé par un efface. Tu sais, donc le crayon complet est un efface, donc tu peux facilement écrire et ensuite le virer de bord. Et puis après ça, je sais pas, j'imagine, je sais pas comment tu fais pour enlever le bout d'efface qu'il y a de trop. Enfin, bref, très bonne idée, crayon, efface en même temps. Wow. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Toujours sur une fin d'émission des plus garochés n'importe comment. C'est comme ça qu'on les aime ici à La Vie de Croisière d'Assemblage Requis. Et d'ailleurs, c'est la fin d'émission pour cette semaine. On va se retrouver jeudi prochain en direct entre 13h et 17h. Ce qui nous suit les jeudis, c'est la sécheuse. Et puis ensuite, à 18h, la spirale. On est rediffusé les samedis à midi. Et ce qui nous suit, c'est C'était fou, l'émission que j'anime, reprise de la série 1. Donc si vous n'êtes pas tenu de ma voix, restez à l'écoute. Lundi, on rejoue à 15h. On sera suivi de la sécheuse à 19h et de Rock Révélé avec Serge Nadeau à partir de 20h. Passez une excellente semaine. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, lire les liens à tous les articles que j'ai mentionnés. Et puis, pour télécharger les balado-diffusions, allez voir cif.ca pour la programmation. Et puis, amusez-vous pendant toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la session. Oui, vous avez bien entendu, c'est la fin de cette saison de La Vie de Croisière d'Assemblage Requis. Mais ne vous en faites pas, on sera de retour la semaine suivante avec l'émission Les Palmarès, c'est fou. Pour l'instant, tiens, on se quitte comme ça avec... notre belle petite chanson thème. Et puis, est-ce qu'on se met une dernière pièce? Ah oui, il nous faut une dernière pièce. Quelque chose de bon, là. Quelque chose qui va vous faire dire « Ah, mais j'en veux plus encore d'Assemblage Requis. 4 heures, c'est juste pas assez. Hein? » On se quitte avec « pourquoi pas? Ah, je sais pas. Il y a tellement de bonnes affaires dans le palmarès, ça se peut même pas. » Ah! On va y aller avec du francophone, pourquoi pas. On va y aller avec notre très bon ami Karim Ouellet, l'album Plume. On va écouter la pièce après tout, parce que après tout, l'émission est finie. vive les émissions, je suis seul. Désolé en passant, ça va être bien meilleur la semaine prochaine. Bye. Dans la danse, ici pour nous.